Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation de Lagerbrau, bière adéquate. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous. Yes. Bonsoir Jean-François. Salut Dominique. Bienvenue à l'épisode 137 oui. de Papa Cassette. J'avais oublié de regarder. Ben oui. Ah, ça va bien? Ouais, toi? Ouais. T'es très fatigué que tu Toi aussi, je pense. On est sur le pilote automatique les deux ce soir. Exact, exact. Les batteries de réserve. Oui, oui. T'avais un bon mal de tête, mais là... Ouais, le mal de tête de fatigue, de papa qui dort pas parce que petit gars qui tousse beaucoup la nuit, se lève de bonne heure... C'est papa, ça. Je suis malade, soigne-moi. Là. Ben oui, et puis toi, t'es tout seul. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'était mon tour de garde pour deux jours de soigner petit coco. Fait que, c'est terrible, ça, pareil. Ah, les choses Mes enfants arrivent. Malades, là, ça, la nuit. Là, ça, ouais, c'est ça. Ça magane. Ça magane, puis ça chigne. Puis... Mais tout ça est facilement oubliable grâce aux excellents breuvages de Lagerbrau, des bières adéquates, mesdames et messieurs. Je vais devoir me lever pour aller au frigo du studio. Oui, le studio qui est maintenant doté d'un frigo. Moi, j'aurais une demande spéciale. Je vais boire de la Pixel parce qu'il en reste. Ah ouais, je vais prendre... Là, il y a la Citra Sonic. Ouais, je vais prendre ça. Ça, là... Ouvrir les dernières pixels comme ça, c'est comme déballer un jeu neuf, là, ou bien unseal un jeu sealed, là, tu sais. Car ils n'en font plus, là. Exact. Fait que, je continue de rendre hommage à Pixel avec les dernières bières. Toi, tu bois une excellente Pils de Lagerbrau. Ouais, j'ai besoin de quoi d'adéquat, là, pour la soirée. Alors, on remercie beaucoup Lagerbrau, très apprécié. Bonsoir Astria Nebula. Oh, first time chat. First time chat. Bonjour. Bienvenue. Palace Game qui est là. Willy. Hey Willy. Exact. Salut tout le monde. Chris, la bière, elle sent le beurre. elle sent le bacon à côté. C'est un problème, c'est ça, la fumée. Là, c'est ça. Chez nous, j'ai des bouteilles d'eau dans le frigidaire, puis genre, je prends une gorgée, puis la bouteille sent la fumée. Ah là, ouais, ouais. Les cannes sentent le bacon. Ça me rappelle le WEG. Les biberons sentaient la boucane, puis. L'habitué jeune directement à ce bon goût. C'est clair. On salue aussi Hey Willy dans le chat que je me souviens pas d'avoir vu auparavant. C'est un nouveau? C'est probablement pas un first time chat parce que sinon ce serait écrit comme en bas, comme Senville 72 qui demande où sont les Doritos et Fred? Ouais, ben là t'es peut-être en retard un petit peu par rapport au fait que Retro Nouveau est fermé. Alors, mais il n'y a pas de Doritos, même si Monseigneur... Je pense qu'il aurait été willing de nous en offrir, j'ai pas fait la demande parce que à deux, on n'aura pas le temps d'y manger en parlant. Ouais, et puis, ça en fait ben trop là, pour deux, là. Mais on verra. La Sirène Nebula qui est en France. Ah oui, je sais jamais combien de c'est décalage. C'est effectivement 6 heures de décalage. 6 heures, en effet. Donc là-bas, il est. Il y a 1 heure du matin. Non, 2 heures du matin. Deux, c'est oui. 8, 12, 2. Il y a 2 heures du matin. Alors, elle se couche tard. Oui. Et Willy n'est pas nouveau. Il est 2h03 en France. Alors, on salue nos amis les cousins français. Absolument. On les adore. Ou du bacon salé, ça donne soif de bonne bière. Effectivement. Ah ouais, ça fait du bien. Cheers. On cheers, Dom. Tu vas reparler là-dessus. Adéquate. C'est juste pour qu'il y ait un temps mort dans l'audio. Ah. Coudon, Senneville, t'es un petit peu en retard, là. Écoute, reste tout le long du show, tu vas voir qu'est-ce qu'on fait. Ouais, exactement. En fait, ça ressemble un petit peu à Retro Nouveau. Est-ce qu'on jase au début? En fait, on jase plus au début. Et puis, on parle de quoi ici? On parle de jeux vidéo Rétro, spécialement, et de vente de jeux vidéo rétro et de collection. Exact. Bien du plaisir. Donc, je présente des jeux de ma collection après le premier segment. Ensuite, une critique de jeu. Puis après, on prend les questions du public qui sont axées jeux vidéo, mais aussi des petites blagues. Oh, des blagounettes. Des conneries en général. Comme en intro, on a vu là, les pierres à feu. Là, tantôt, exactement. Là, exactement. Je sais pas si les pierres à feu, c'est allé jusqu'en France. Ça devait pas s'appeler les pierres à feu en France. Si ouais, est-ce qu'il y a des pierres à feu en France? Les Flintstones. Les Flintstones ou les... je sais pas comment ça pourrait bien s'appeler. Faudrait faire des recherches, malheureusement, on n'a pas le temps. Ben, ça existe. C'est mondial, ça, les pierres à feu. Ah, c'est sûr que oui. Là. Anna Donc, Barbara. On a pierre à feu aussi. Ah, voilà, pierre à feu. Ah ben, voilà. Je suis surpris. Good. Alors, moi... Oui, Senneville, on est sur Spotify. Cherche chez Papa Cassette. Voilà. Ben oui, absolument. Papa Cassette sur Spotify, sur YouTube. Surtout, là. Surtout. Surtout partout. Et puis, alors moi, en intro, j'avais des petites annonces. On a fait l'annonce à Retro MTL que les livres de Pat Country, ouais. Ultimate Nintendo Guide de la librairie Nintendo 64. Donc, le troisième tome de Pat Country, il a fait NES, il a fait Super NES, et là, il fait la 64. Donc, ça va être disponible chez Retro MTL, exclusivité canadienne. Ah, ben oui. Parce qu'on est les seuls fous à avoir été d'accord de payer si cher avec si peu de marge de profit pour tenir ces livres-là. On le fait pas pour l'argent, on le fait vraiment pour faire plaisir aux gens, pour la pub que ça nous rapporte et pour la crédibilité. Ouais, ouais, ouais. On fait vraiment pas d'argent avec ces livres-là, là, tu sais. Mais on est content de les avoir parce qu'on a eu les deux premiers, NES et Super NES, il y a quelques années. Et puis là, Pat, il travaillait sur celui de la 64. J'aurais dû l'amener, en tout cas. Puis c'est des briques, ça d'épaisse, là, gros livre. Ouais, ouais. C'est la librairie complète de la 64, plus les consoles, les périphériques, et puis d'autres des dossiers spéciaux sur la 64DD, et puis toutes ces affaires-là. Fait que tout ça va être dans ce beau livre qui est présentement en précommande chez Retro MTL. Et puis... les gens qui connaissent ces livres-là les adorent, moi-même aussi, pour NES et Super NES. Et puis, si on ne vous l'offrait pas chez Retro MTL, puis vous vouliez commander ça aux États-Unis, ça vous viendrait le gros shipping, là. À 45$ de shipping. Le livre lui-même est plus cher aussi et tout et tout. C'est d'une atrocité. Ah, ouais, ouais. Alors, au Canada, il faut vraiment passer par Retro MTL pour avoir le meilleur deal. Vraiment, même, je pense que ça va être plus profitable qu'Amazon si jamais ils se rendent sur Amazon Canada. Ouais, ouais. Mais je pense pas. Parce que Pat a de la misère à le faire au Canada. Puis on l'a fait pour lui sur les deux premiers livres. Ça a été de la calisse de marde. On perdait de l'argent à chaque livre qu'on vendait. Non, ça marchait pas pantoute. Les livres sont pas en français. Bien sûr, Pat est américain, alors ouais, il rédige en anglais. Et c'est des livres très épais. Là, traduire ça serait... une fortune de traducteur, comment on dit. Ouais. Puis moi, j'aime pas, j'ai pas de 64, ça m'intéresse pas. Non, on sait. On sait, tous. Puis, mais j'aime ce genre de livre-là pour juste feuilleter et découvrir. Mais t'aimes aussi l'historique des jeux vidéo, puis ça, là, fait que ça fait partie de l'histoire intégrale des jeux vidéo, là, la 64 quand même. Là. Ben oui, exactement. Même si on chie sur les graphismes polygonaux, là, ça reste que ça a fait... Ça marque dans l'histoire, c'est quand même. Ah ouais, totalement. Passage obligé, là. Puis il y a des grosses franchises Nintendo qui sont nées avec la 64, là, tu sais. Smash, Mario Party, Paper Mario, ouais. Il me semble, ouais, plein d'affaires. Fait que, bref, ça va être un très beau livre. Alors, allez sur le site de Retro MTL, précommandé, absolument. Il y a une version standard, il y a une version spéciale édition avec un cover un petit peu plus épais et fancy. Mais le dedans du livre est exactement le même. Les livres, Pat nous a dit qu'ils seront disponibles à la vente au mois de septembre. Donc, faut être patient. Mais en même temps, vous payez, vous allez en avoir un. T'sais. Fait que il en manquera pas. On a une quantité limitée quand même. Donc, chaque précommande qui passe est un livre de moins pour ceux qui attendent à la dernière minute et les ventes libres. Il va sûrement rester pour les ventes libres. Là. On a quand même bien du temps. Fait que voilà, je vous invite à aller voir ça. On est les seuls à tenir ça, ce livre-là. Donc, très belle exclusivité. Autre chose qu'on fait aussi, ce vendredi 10 mai, c'est le lancement de la version physique de l'excellent jeu Sea of Stars Sabotage Studio, un studio de Québec. Et puis, pour l'occasion, ici, chez Retro MTL, le studio va se déplacer. Ah, cool. Ils vont être ici de 11h à 13h. Et puis, ils vont être... 12. Fait que... fait que c'est tout le studio. Ben, je pense que oui. Au début, ça fait on est en discussion depuis plusieurs semaines, voire mois par rapport à ça. Puis, tu sais, ils vont aller à la planque aussi à Québec la même journée, sauf qu'ils vont être à la planque à 5h le soir. Donc, ils viennent ici, et après, ils vont à la planque. Et puis, on est bien chanceux, les deux commerces, là, de pouvoir accueillir le studio. Tu sais, eux autres, ils font ça de bon cœur. Ils avaient fait une publication aussi sur leur page, leur média, pour dire aux gens, encourager les boutiques québécoises, acheter à la planque, acheter chez Retro MTL, on se connaît. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, non? J'ai oublié. Fait que, ouais, bref, eux autres, ça leur apporte rien de faire ça, là, vraiment. Un peu de pub, là, c'est... Oui, mais ils n'ont pas besoin de non, pub. Non, c'est ça, je me dis, ils ont tellement vendu de jeux, là, ils n'ont aucun problème. Ça a pogné un petit peu, je pense. Exactement. Ces gens, ces studios-là sont pas dans la misère, là, tu sais. Fait qu'ils le font de bon cœur, ils le font pour vous. Et puis, si vous avez précommandé, vous pouvez encore le faire, précommander votre jeu Sea of Stars chez Retro MTL et venir vendredi le récupérer à cette date-là. À ces heures-là, entre 11h et 13h, et le faire signer, vous pouvez. Vous ne voulez pas Sea of Stars, mais vous avez de Messenger, amenez-le, faites-le signer, ça va leur faire plaisir. Il y aura un concours, il y a 5 sacs de marchandises sabotage oh, cool. qui vont être tirés. Et puis, Retro Montréal aussi, on fait tirer une carte cadeau de 200$, je crois. C'est ça, 200$? Je l'ai-tu écrit quelque part? Ah, oh, 50$ plutôt. Parce que 200$, c'est 4 excusez. Cadeaux. Non, 200$, ça va être pour une autre affaire. Une autre affaire qu'on va annoncer plus tard. Mais voilà, alors beaucoup d'actions en peu de temps. Et puis ben ça, oui. C'est cool. J'ai hâte de voir s'il va y avoir un petit line-up de quoi on va couvrir ça, nos médias sociaux, TikTok, cool. Toute la patente. C'est très, très cool. Sabotage sont vraiment ça à coche de venir. Je suis curieux de voir le contenu de ces sacs de merch quand même. Hein, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On ne sait pas. Peut-être des copies de Messenger qui valent maintenant 300$. Oh, OK, ouais, peut-être. fait que c'est ça. Très cool. Très, très hot, ça. Toi, JF, j'ai d'autres affaires, mais je peux te prêter la parole. Petit housekeeping, podcasting. On a terminé la saison de la soirée du podcast vendredi passé, donc avec le post-mortem. Gros épisode de 3 heures. Ça a bu des shooters, ça s'est engueulé. Il y a eu des call-outs. Magique. Fait qu'on est fier de dire qu'on revient l'année prochaine pour une autre saison. Okay, et le 28 juin, on va faire l'épisode du repêchage parce qu'on est libre, JF, Malette et moi. Excellent. Et on sera accompagné de Nick Chalifou. Ben oui, le nouveau trooper qui voilà. est là tout le temps. Là, fait que donc, manquez pas ça. On va être en direct là, de 7h à genre 10h, là, couvrir les choix. Le Canadien qui va repêcher 5e. Là, donc, Oui, on a su ça cette semaine que le Canadien repêche 5e. Des bonnes chances de repêcher le fils à Jérôme McGinley. Ouais. Je sais pas. Selon mon podcast, le processus avec Snake et puis Mathias J'ai Brunet, peur, c'est ce ça serait pas le gars qu'il faudrait prendre en 5e. Là. On va se fier sur Mallette et ses statistiques rendues là, je sais pas. Mais il serait disponible rendu là, je sais pas si c'est lui qu'on va prendre. C'est sûr qu'il va être disponible rendu là. Oh, il y a Connolly aussi qui est intéressant. Bref, j'ai hâte de voir ça. Mais ouais, très cool. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. C'est ce qu'il y a de plus excitant de la saison du Canadien. On dit Lindstrom. Ouais, il y en a plein. Là, Lindstrom, exactement, oui. Nous autres, on s'était dit, si on repêche genre les 5 premiers, on va être satisfait de la position de repêchage. Puis 5e, ça nous convient. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. On va vous divertir. On va manger des ailes de poulet. On va boire de la bière. On va rigoler. Fait que début de la nouvelle saison, juin. Puis après ça, break jusqu'en début octobre, genre à peu près là. C'est quel jour, ça? C'est samedi? C'est un vendredi. Vendredi. C'est un vendredi à 7h, ça commence le soir, donc 19h. Ah ouais, Colin. C'est genre peut-être me libérer et m'y aller. On va essayer d'être assis live en arrière. Sur Twitch et sur Facebook en même temps. Si tu veux venir, viens. On a de la place des micros. Ah ouais, ben je dirais rien ou très peu. Moi, là, j'ai aucune information. Je bois puis je rote. Puis je dis de la merde, tout le monde habillé tout croche dans la foule. On se fera une platée de bacon. Manger juste du bacon là, pendant 3 heures. Ce serait malade. Pour répondre à Larry, puis je veux juste revenir deux secondes là-dessus. Sea of Stars, la version québécoise, n'est pas sur la version physique. Puis il y a plusieurs versions physiques en passant. Il y a la version IAM 8-bit de ceux qui ont backé le jeu sur Kickstarter. Il y a une version Asia qui est différente. Et puis la version retail que nous, on va avoir, puis qu'il y aura partout en Amérique du Nord. Bref, le jeu n'est pas dessus. La version québécoise n'est pas dessus. Ce sera un DLC. Est-ce que ça va être un DLC payant? Je pense pas. J'en ai pas l'impression, selon les habitudes de sabotage. Mais sous toute réserve, moi, je n'ai pas ces informations-là. Mais j'en ai pas l'impression. Puis ça va venir, mais quand, on le sait pas, personne ne le sait. On a Palace Games dans le chat qui dit qu'il a vu que ça avançait bien. Palace Games qui développe des jeux lui aussi. Peut-être que ce monde-là... Puis d'ailleurs, Dom, pendant que tu parles du chat, check qu'est-ce qu'on a cette semaine de nouveau. Oh! Hein? On peut maintenant vous mettre à l'écran, mesdames et messieurs, si ça c'est nous tente. Vrai. Fait que c'est comme ça, on va pouvoir un peu, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, suivre là, ce qui se passe dans le chat, pour ceux qui sont live. C'est vrai, c'est évidemment, un nouveau panier. Évidemment, ceux qui sont live le voient live, là, le chat. Là, mais, exact. Fait qu'on a mis ça quand on veut vous showcaser à l'écran. Ah ben, laisse-la aller un peu. Là. Voilà. On va checker ça, en effet. Ben oui. Sinon, chez Arcade MTL, en fait, il y a eu des bonnes nouvelles parce qu'on a acheté un nouveau cabinet d'arcade, une nouvelle machine. Et puis, je vais pas dire c'est quoi encore. Je vais faire une annonce officielle. C'est un jeu de sport. Ah. Et puis, un sport qu'on n'avait pas à date. FIFA avec le ballon, tu kicks le soccer en bas. C'est malade. Puis là, par contre, on avait un problème parce qu'on a des arcades entreposées chez un ancien propriétaire d'arcade MTL. Quoi, 8 arcades, genre. Okay. On en a 5 au North Star. On en a une ici chez Retro MTL. Il y a des arcades partout. Puis tout le monde veut comme qu'on sorte leurs les arcades de là. Puis là, on n'a pas les moyens de se payer comme 3 000 $ d'entreposage par mois. Ouais, puis on ne veut pas vendre nos machines non plus. Comme d'un coup, qu'on en ouvre un autre. D'un coup, on ne sait pas quoi. T'sais. Mais là, j'ai peut-être l'opportunité d'avoir un deal, d'avoir... Ben, c'est pas un deal. L'opportunité, en fait, avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. Okay. Ils ont un pavillon à Montréal. Et puis, je pourrais avoir une entente avec eux où est-ce qu'ils pourraient héberger les arcades. Ah, c'est cool, ça. Et puis, les jeunes, les étudiants, les universitaires pourront y jouer à leur guise. C'est gratuit, bien sûr. Donc, ils en mettraient une coupe sur le plancher. Il y en a dans le backstore. Notre technicien, Johnny Gretis, il y aurait un accès... privilégié, ouais, là, ouais. Avec une carte d'accès dans l'école pour aller genre réparer les machines puis taponner là-dessus. C'est cool, ça. Fait que je suis vraiment très très content de tout ça. Fait que je souhaite que ça fonctionne. J'attends des nouvelles. Alors pour tous les futurs étudiants et les présents étudiants qui nous écoutent, sachez qu'on va peut-être réussir. Vous allez peut-être avoir bientôt une dizaine d'arcades dans votre pavillon là, quelque part. Donne là, le t'sais. Goût de retourner à l'école. Absolument. Absolument. Sinon, t'avais-tu autre chose, toi? Je peux te faire un rent de gouffre financier chez nous, là. Exact, t'avais un rent là, de travaux. Quand j'ai acheté la maison, il y a deux affaires qui m'ont comme marqué quand je visitais, en fait. Le bar en bas, évidemment, pour faire les podcasts et tout ça. Et la piscine creusée dans la cour. Première année que je suis arrivé, au mois d'août, tu sais, c'est le fun, là, tu te baignes, là, la piscine, tout va bien. Et à partir de cette année-là, chaque ouverture de piscine a très mal été. À chaque année, il y avait tout le temps de quoi qui lâchait. Année après année, c'est un hostie de bordel. Puis je pognais avec ça tout le temps. À chaque fois, c'est comme. Mais c'est quoi qui lâche, mettons? Ben, à un moment donné, c'est... parce qu'il y a comme des panneaux solaires sur le toit qui font le chauffe-eau. Ouais. Tu as lâché. Je suis allé réparer un année, ça c'était pas si pire. À un moment donné, un tuyau en dessous du ciment qui a pété. Il a fallu qu'il drille le ciment, qu'il fasse un carré, qu'il ouvre, qu'il change un tuyau. C'était coûteux, mettons. La cellule pour. Parce que c'est une piscine au sel, fait qu'il y a un genre de chlorinateur. À un moment donné, c'est plus bon, faut que tu le changes. Et là, cette année, j'étais comme, bon, ben, pour une fois, là. Tout est beau. Ils vont nous tout ouvrir est la changé, piscine. Là. Yes. Les gars lavent la piscine, ça va super bien. Ils sont comme, all right, on. Attends, on a presque fini. Avant que tu te dises la mésaventure, ouais. Pourquoi faut payer des gars pour ouvrir la piscine? C'est quoi le processus? Parce que moi, j'ai une piscine qui est creusée. Donc, tu veux pas que les tuyaux soient remplis d'eau l'hiver pour que ça craque, que ça pète. Puis, tu sais, j'ai des super longs tuyaux qui s'en vont jusque sur le toit, qui reviennent. Mm-hmm. Fait qu'il faut qu'ils vident ça comme il faut. Il faut qu'ils enlèvent toute l'eau de ça. Fait que okay. Moi, je paye quelqu'un pour faire ça. T'sais, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Ils drainent ça. Ils drainent ça avec une grosse pompe. Là, on voit ça dans la rue. Puis, j'imagine qu'ils poussent de l'air dans les tuyaux pour tout sortir. Puis, après ça, ils bouchent. Puis, ils mettent des produits. OK, OK, OK. C'est pas une affaire que je veux faire moi-même. Parce que c'est bien correct. Si t'es hors terre, fine, tu les vois les tuyaux. Dès que ça rentre dans la terre, là, j'étais comme non, ok, là, c'est beau. Là. Fait que là, le gars, il cogne dans la maison, il dit ouais, il dit à chaque fois qu'on part le breaker, ça fait comme boum, boum, ça le breaker lâche. Mon moteur de piscine a sauté. C'est la seule affaire qui restait qui avait pas pété. Ben, t'as-tu aussi des trous dans ta toile? Là, pas pour l'instant. Mais là, j'étais allé chez Club Piscine, puis c'est évidemment, ben, c'est rendu que c'est des nouveaux standards, fait que ça coûte 1600$ un Christy de moteur de piscine. Ouais. Que j'ai. Acheté, que j'ai fait installer par un plombier qui a fait « Moi, je touche pas à ça l'électricité, fait qu'il faut taper un électricien pour plugger un fil de power dans le moteur, en fait. Okay. » Là, je suis rendu à 3 000$ près de dépenses pour ça. Puis ça marche toujours pas, genre l'eau se rend pas. Faut que la compagnie revienne voir mon... Je suis écœuré, là. Ça fait une semaine que j'ai les mains dans l'eau puis que j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe puis pourquoi il y a pas de pression. Puis... C'est un gouffre financier. Hey, mon dis... gars est mieux de se baigner, man, cette année. L'année passée, il s'est baigné deux fois puis ça y tentait pas, là. Ah ouais, non, c'est ça. Là. Ah, mais là, faut qu'il devienne un ado puis qu'il amène ses chums pour se baigner. Ça, là. C'est là que ça va être le prime. Ou que je fasse plein de garden party, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, c'est comme... Tu sais, c'est une autre affaire que, genre, je sais pas comment ça marche. Moi, c'est pas mon domaine, l'électricité, puis le lit à plomb. Ben non, de toute façon, t'es riche, là. Tu payes pour ça. Ouais, ben là, ça commence à coûter cher, je te dis. Ouais, à 3 000$, là, c'est quasiment le prix de... Tu sais, avoir su, j'aurais fait l'électricité en premier. Comme ça, le gars qui a plugué les tuyaux après aurait pu partir la piscine en même temps. Là, j'ai fait ça à l'inverse. Fait qu'il faut que le gars revienne. Faut que peut-être je repaye. Tu sais, je suis comme... Ouais. Puis là, ces gars-là... C'est ça. La minute que... Des ratoureux. Ça se présente... En fait, là, j'ai rappelé la compagnie qui ont ouvert la piscine puis qui n'ont pas pu finir l'ouverture. Puis ils ont fait comme... Oh, on va venir. Probablement qu'ils me chargeront pas. OK. Mais un matin, je suis allé chez Club Piscine. Que c'est eux qui m'ont envoyé un tech. Le gars a plugué deux tuyaux, il y en a un qui coule. Le gars est comme, rappelle-nous si ça coule encore. J'étais comme, Et tabarnak, genre, m'a sauté dans la face, là. Genre... Tu pourrais-tu engager des gars qui font que quand ils bloquent de quoi, ça coule pas, s'il te plaît? C'est mon ça, genre, temps est précieux. Genre, ça coûte 200$ ton corps de service. Ça se peut-tu que deux tuyaux coulent pas quand tu le fais? Gars, il dit, 100$ du tuyau. Tu sais, les trucs en métal là, que tu visses pour serrer, là, les collets. Ah, j'ai pas de collet 2 pouces. Tu rentres un, tu le mettras. J'étais comme, ben, fuck you, genre. C'est comme... Ben ouais, esti, ouais. Voyons, esti. C'est donc ben veg. Plus ça va, plus ça coûte cher, ces corps de service-là, puis moins t'as de la qualité, on dirait, là. Ah, oh, man. Les enfants ont toujours dedans 8 et 11. Beaucoup d'amis l'été. Ben ouais, ben c'est ça, là. Ou ben on laisse traîner des chats. Ouais, non, mais c'est ça. Je me crois bien qu'il va se baigner cet été, mon gars. Là. Quel service de merde. Effectivement, c'était terrible. Ah, oh, man. Ça, là, moi, Joe, ici, il y a des problèmes de piscine creusée, lui, avec. Il a tout creusé. Il a passé une fin de semaine là-dessus à creuser en dessous de la dalle parce que si, oh, parce que man. Ça, man. Hey, je vous envie pas tant. Parce que vous dire. Mais c'est parce que c'est quoi la solution si je veux pas l'ouvrir la piscine? Je peux pas laisser de l'eau pourrir de même. Je mettrai pas du sable là-dedans. Je vais pas défaire une piscine creusée non plus. C'est... Ben, tu pourrais. Ça serait des méchants frais. Faudrait que tu fasses venir des trocs de terre. Puis tu remblais tout ça. Mais le rendu là, je suis comme. M'a payé là, la maintenance. Ben oui. T'es probablement dû là, aussi. Là. C'est comme l'ordi, c'est là, je suis rendu au sein de la maison où est-ce que tout pète un après l'autre en chaîne, là, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai eu une couple d'années tranquille et là, les problèmes commencent, là. C'est rien de grave, c'est juste très chiant. Ben, c'est grave, là. À 3 000$, je considère ça grave, un moteur qui ben, pète. Ben, ouais, 1 500$, c'était ça. Là. J'aurais pu être moins cher, là, mais en tout cas, là. Ah, t'as pris le gros modèle. J'ai pris le gros modèle. Je suis rendu là où quand je change, je prends pas ce qui est genre de bas de gamme ni ce qui est de luxe, mais je suis un peu en haut, tu sais. Tant qu'à changer quoi qui va tenir, là, une couple d'années, là. Mm-hmm. Mais ah ouais. Oh, man. Le gars, il est comme le gars qui plug l'électricité, il me dit, ah, oh, c'est un moteur de 240 volts, là il teste le fil, t'as juste 120 volts, là mon esprit a sorti de mon corps pendant une seconde, mais je suis comme qui je tue là aujourd'hui là. Finalement ça se transformait en du 120, j'étais correct là, mais je suis comme aïe là ah, ouais. Peux-tu d'appeler des professionnels qui me conseillent comme du monde puis que je n'appelle pas 15 personnes pour faire une job là? C'est surprenant que le piscine n'ait pas pu tout te faire ça d'un bloc. C'était écrit qu'il faisait pas l'électricité, le gars de plomberie. Ouais. C'est écrit dessus. Mais je pense que si j'avais pogné un vieux bonhomme, il me l'aurait fait pour 20$ en dessous de la table, mettons. Ben oui, ben oui. C'était trois câbles de cuivre. Là. Moi, je savais juste pas. Là, mais, exact. C'est ça notre problème. On connaît pas assez de vieux bonhommes. C'est ça. Puis de jobber. Là. Le gars qui est venu, pour l'électricité en urgence à 3,85 plus taxes. Ah ouais. Pour plugger trois fils. Puis il me dit, ah, il dit, si tu me donnes cash, genre, je peux te sauver les taxes. Je suis comme, j'ai pas 385$ sur moi, calice, là. Je t'ai appelé il y a une heure, t'es venu de suite, là. Tu me l'as pas dit, là. Aye. Ah, faut que je te fasse pour un virement. Je suis calme. Ok, 60$ de taxes. Ah, c'est des bandits. Prenez-le, mon argent, prenez-le. C'est des bandits, man. C'est des bandits. Fait que c'est mon retour d'impôt qui vient de passer dans la piscine pour cet été, qui ne fonctionne toujours pas d'ailleurs. Fait que j'attends qu'ils reviennent me voir. Ben, remets ça en ordre, là, qu'on puisse se baigner pour le garden. On peut se faire des backflips sur le tremplin, là. Moi, j'ai peur de faire ça. Ah ouais? Ah ouais, tu fais ça? Ben oui. Ah ben oui, t'es lutteur, j'en toi, faisais tu faisais ça. Dans ben le oui, ring, ben à l'extérieur, oui. Fait que. J'ai perdu un peu, mais je suis capable de le faire encore, correctement. J'en doute pas. Je tombe flat sur le ventre, je prends des beaux flats, Ah, bon. C'était mon aventure de piscine pour la semaine. Aujourd'hui, là, j'étais dans l'eau, les mains dans l'eau, dans la pluie battante, en train d'essayer de passer le moteur. J'ai dit, fuck off. Ah, laisse ça là, mais attends qu'il fasse beau. J'ai arrêté là aussi. Là. Je vais pas perdre mon ouverture. L'ouverture est faite, mais c'est parce que. Ah, ça se perd, ça, en plus. Si l'eau circule pas, l'eau va stagner, puis genre, les produits, ils vont arrêter de faire effet. Fait que là, l'ouverture. C'est bien stressant, ça, tabarnak. Ouais, c'est stressant, Chris. Ah. Pas de facture des assurances qu'au pas, ouais, c'est ça. Ah, je te comprends. Laquelle des prises de lutte était la plus douloureuse pour toi, JF, à recevoir? As-tu déjà reçu le marteau pilon? Ouais, ben oui. Ah, ça, c'est de souvent, base. Le finish de Kevin Owens qui fait plus qu'il n'a plus le droit le package pile driver, mais c'était pas très... Dave a déjà fait un pile driver sur un tross de métal. Ça a fait mal, vraiment. Ça a fait ting, genre, on a entendu ma tête cogner, là. Ah. Mais les soumissions, en général, il y en a qui faisaient mal. Ouais, c'est ça. Des sharpshooters, là, ou genre des... La prise en quatre, là. Le Boston Crab, mettons, là, quand tu fais plier les jambes, ouais. Walls of Jericho, ces affaires-là, ça... Ça peut faire mal. C'est bon. Powerbomb, toutes les prises peuvent te faire mal si tu tombes pas comme il faut. Ouais, si tu pousses pas ton air au bon moment, tu peux t'étouffer puis c'est blessant. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est un body slam sur le plancher. Je me suis pété le talon vraiment à terre, solide. Là. Je pense que je m'étais comme craqué un peu le talon, j'ai l'impression. Ça avait fait mal. Ah ouais. Voilà. Et tout ben, ça enfin, gratuit, pas payé. Encore des projets. Encore des projets, pas une scène. Mettre ton corps en péril pour le restant de tes jours. Tout ça pour donner à des électriciens et des plombiers pour qu'ils partent ma piscine. Qu'ils le slap, c'est le les coups d'Atémie. ça pince, mais c'est tout, les atémis. Ouais, ça, c'est ça. Des fois, ça fend aussi un petit peu, là, ça ouvre un peu le chest. Ah, c'est le fun. Moi, j'aimais ça. J'arrivais à backstage, genre les traces de doigts avec un peu de sang. Là. Ah ouais, hein, ça fait tough. Tu t'es battu pour vrai, là. C'est fake, ouais, ben ça, c'est pas fake, là. Malade. Sinon, dernière chose. Ah, tiens, Montréalien qui arrive. Non, t'as pas manqué rien. Le Ric Flair Talk. Non, on fera un épisode plus axé. Il y a une affaire qui était sous aujourd'hui. Là, puis là, on a appris cette semaine que dans le dernier match qu'il a fait une crise cardiaque. Là. Qui ça? Ric Flair. Ah ouais? Il était sous? C'est une autre affaire. Il y a deux trois affaires sur Ric Flair en ce moment qui se promènent dans les nouvelles. Calcator qui dit « J'aurais jamais cru que Jeff avait une carrière de lutteur. » Ça fait très longtemps. Faites des recherches. Ouais, ça fait un bout. En fait, au début du show, tu pourrais mettre ça. Si t'as encore du footage de toi qui j'en lutte, ai, là, j'en ai. Tu pourrais mettre ça. J'avoue, je pourrais mettre c'est un ça petit... serait juste des gens, une seconde, de genre, moi qui fais un move. Là. Ah ouais, non, mais pour vrai... Un match complet, genre 5 minutes au début. Oui, exact. Tu sais, une affaire de même. Mais ça... Fini avec les pierres à feu. Exact. Ça serait malade. All right. Puis pour l'intro, je voulais finir avec l'annonce qu'il y a eu aujourd'hui du Nintendo NES Championship. As-tu vu ça? J'ai vu vaguement passer. Exact. J'avais aimé dans l'eau, j'ai pas eu le temps. Là. Ah, j'avoue. Ben aussi, ça, c'est une question qu'on a eue à la fin, mais bref, je voulais en parler tout de suite. Nintendo ont annoncé ça. C'est un espèce de pack. C'est un jeu Switch. Le hockey? Je rate ma Citra Sonic. Ah, voilà. C'est un jeu Switch, un package, un collector. Il n'y a pas de version standard dans lequel... l'histoire derrière ça, c'est qu'il y a eu des compétitions de Nintendo à l'époque, Nintendo Championship. Et puis, les cassettes, d'ailleurs, qui servaient à faire ces compétitions-là sont devenues des grails absolument incroyables de collectionneurs qui valent une fortune. Et puis, la cassette d'or qui était remise en prix aux gagnants avec bien d'autres choses, ces cassettes d'or-là valent comme immensément cher là, et introuvables. C'est insane. Il n'y en a pas d'avoir beaucoup. Non, il y en a très peu de tout ça. Puis, il y en a qui ont été détruites et tout. Fait que ça, c'est des affaires très dures à trouver dans la nature. Là. C'est complètement fou. Bref, il y a eu des gagnants. Il y a eu des gagnants de cette compétition-là. 1990, il y en a eu un autre plus tard aussi, je ne me rappelle plus en quelle année exactement. Puis là, Nintendo ont annoncé aujourd'hui le Nintendo NES Championship qui, à l'époque, c'était, je pense, Mario, Zelda puis Rad Racer. Puis tu jouais genre 3 minutes à chaque jeu, puis le jeu arrêtait, puis il fallait que tu fasses un plus gros pointage. Là, c'était que ça. Les 3 jeux, merci, bonjour. Et puis, dans la nouvelle version, il y a bien sûr ces 3 jeux-là et aussi plein d'autres jeux NES. Okay. Des jeux classiques, là, Ice Climber, Metroid, tout ça, dans lesquels il y a plein de challenges. Fait que ça se veut une espèce de NES Remix. Ouais, en fait. Dans la même veine, mais thématique Nintendo Championship. NES Remix compétitif, dans le fond. Exact. C'est cool, pour vrai, ça. Ben, puis en ligne, c'est ça, compétitif. Ah, en ligne, en plus, OK, wow. Fait que je sais pas s'il va avoir une vraie compétition avec des vrais gagnants. Il pourrait faire une finale en vrai. Là. Oui, ben cool, maintenant, ça. N'importe qui peut participer, tu sais. Ah oui, en plus. Tu télécharges le jeu, fait que c'est le monde entier qui peuvent participer. Fait que ça, c'est intéressant. Mais je sais pas si Nintendo va faire une vraie compétition avec ça, mais il va avoir des leaderboards. On devrait essayer puis le streamer. C'est vrai, on devrait essayer certainement. Puis moi, ce que j'aime de ça aussi, c'est que d'un, le package collector, il est très beau. Et puis là, on nous a écrit, beaucoup de personnes aujourd'hui chez Retro MTL, allez-vous en avoir, allez-vous précommander? On peut pas. Ces choses-là sont très, très, très limitées. Okay. Puis chez nos fournisseurs, ça tombe dans la même veine que les collecteurs. Tu sais, mettons, quand Metroid Dread est sorti, il y avait la version standard, on peut en avoir autant qu'on veut. Mais la version collecteur, faut dire nos quantités, puis on en reçoit une partie. Genre, j'en veux 10, ben on en a reçu 2, mettons. Okay, okay, ouais. Fait que là, on n'a pas pris de chance, on dit on en veut 50. Fait que peut-être qu'on va en avoir 20, peut-être qu'on va en avoir 5, peut-être qu'on va en avoir 30, j'en ai absolument aucune idée. Alors, on ne peut pas ouvrir les précommandes, mais c'est comme ça que sachez que c'est comme ça que ça marche. Quand il y a des allocations, nos fournisseurs eux-mêmes, ils en donnent veulent aux clients qu'ils veulent. T'sais, quand tu as un bon client, habituellement, ils t'en donnent plus. Fait que j'espère qu'on a un bon client. Et puis, on ne sait pas quand on va en avoir, mais ça sort en juillet. Et puis, il y a plein d'affaires là-dedans. Comme je disais, la cassette en or, des pins, des affaires. C'est un beau petit paquet. Je vais m'en pogner un pour la collection. Et puis, moi, ce que j'aime de ça, c'est que ça retrigger tout, tu sais. Ouais. Nintendo, ils remettent dans la face tout le monde encore, dans la face de tout le monde, la NES. La nostalgie de tout ça. Il y en a qui connaissent pas ça, ils apprennent à connaître ça. Ça remet ça sur la map. Ici, chez Retro MTL, ça fait un hype pour la version physique. Tout le monde veut ça. Qui sait, on va peut-être faire un petit happening ou je sais pas quoi. Chez Arcade MTL, on va faire des compétitions de ça, tu sais. Nice. Et puis, comme ça vient comme trigger tous mes business, tous les aspects. Puis ça garde le rétro en vie, puis ça garde le monde accroché au bon vieux net. Puis, tu sais, c'est que du bon, là. Mais les Nintendo qui font ça, là, moi, c'est parfait. C'est bon pour la business. Ils repoussent la nostalgie tout le temps un petit peu. À chaque, genre, quelques années, il y a quelque chose qui revient souvent. La NES Mini, la Super NES Mini. Exact. Sur le store en ligne de la Switch, là, t'as les jeux classiques. Oui. Là, t'as ça. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire après, là, mais garder ça vivant, c'est parfait, là. Ah oui, ben, s'ils le font. Faites-nous des vrais NES, qu'on peut mettre des vraies cassettes dedans. Juste une petite barre, là, que tu le mets direct dessus. Juste une barre. Rien qu'une barre marquée Nintendo, que tu le mets, ça allume Nintendo. Là. Ah, non, ça serait malade, tu sais. Mais s'ils le font là pour ces. Si là, on est à l'époque de la Switch, puis ils le font pour NES, Super NES, les affaires de même. Peut-être que dans plusieurs années, ils vont le faire pour l'époque de la 64 GameCube. Il n'y a rien qui interdit de rêver à ça. Fait que ça, j'ai bien hâte de voir ça. Les manettes sont très différentes, par contre, rendues là. Fait que... Vont ressortir des manettes vintage. Là, parce que la version japonaise de ce package-là a des Joy-Con qui imitent des manettes Famicom. Ouais. Même couleur tout. Puis tu peux les clipper, man, sur ta Switch. C'est absolument malade, là, tu sais. Fait que moi, ça, je suis très heureux de ça. C'est absolument fou. On remercie Mando 13 qui s'est inscrit Prime. Oui, Mando, absolument, absolument. Il y a beaucoup de commentaires dans le chat. Il y en a eu à l'arcade des vrais World Championship. Oui, on l'a fait une fois, je pense. Oui, on l'a fait une fois. Non, on l'a fait deux fois même. Mais là, on va le refaire, c'est sûr. Ah oui, Mando, il est là. Merci beaucoup, Mando. Et puis, ça serait le fun qu'il fasse la même chose avec le SNES, en effet, le Super NES, comment ça s'appelait? Challenge Weekend, je sais pas quoi. OK, je me rappelle pas. Celle qui a donné, qui a fait que les cartes, Competition Cart de Donkey Kong Country de Star Fox existent. Donc, tout ça. Alors, voilà, très, très cool stuff. C'était cœur, hein? C'était cœur, hein? À chaque fois que je prends une gorgée, j'ai une whiff de boucan dans le nez. Moi aussi! Pour vrai, je pensais pas que c'était intense de même l'odeur de. J'ai pas fait du bacon souvent là-dedans en plus, là. Fait qu'en tout cas, je vais regarder ce qu'on peut faire peut-être pour enlever un peu cette odeur, là. Des feuilles de bounce. Peut-être des feuilles de bounce dans le frigidaire. Bon, ben écoute, on serait rendu à la section, au segment collection. Ouais. J'ai 4 jeux à présenter aux petits amis aujourd'hui. On va retourner dans notre belle overlay de collection ici, comme ça, voilà. Y a pas un ordre particulier par rapport au pricing. Tu me fais ça comme tu veux, puis moi je te price ça comme ça, à la volée. Excellent. Alors, on commence ici avec Nano Assault qu'on a reçu en magasin chez Retro MTL. Tu peux mettre le prix si tu veux. Ouais, ça vaut 75$. Étrangement, on en a eu une version sealed qu'on a eu pendant super longtemps. Je pense qu'on a fini par baisser le prix un peu, puis il a fini par vendre. C'est pas rare de nos jours d'ailleurs d'avoir des jeux 3DS sealed, là, c'est quand même récent. Ouais. Fait que ça se peut encore. Et puis ça, la série Nano. C'est un shmup, ça, Jean-François. Ouais. Et puis moi, je possède déjà, il existe Nano Stray et Nano Stray 2 sur DS. Ça, c'est une série. Et puis, c'est quand même pas pire pas tout. Et puis, cela est la suite de cette série-là sur 3DS, dont Nano Assault. Alors, ça, c'est très cool. C'est pas shmup, là, style Cave, Bullet Hell, c'est plus niveau, tu sais, c'est plus relax. Puis ça fait super longtemps que j'ai pas joué à ça. Je me rappelle plus c'était quoi la dynamique spéciale de la série tant que ça. À part que je pense que tu utilisais les shoulder pads là, pour te promener un peu. Hey, je fais beaucoup de rot. Désolé. Parce que tu parles beaucoup. On parle beaucoup, hein, on boit de la bière en même temps. C'est ça qui arrive. T'as bien raison. Pour moi, t'étais médecin, toi, dans un autre. Ou gars qui fait des podcasts qui boit de la bière depuis 10 ans. Exact. Hey, j'ai-tu la cassette là-dedans? Ah, oui. Ah, wow. J'ai la cassette, puis il y a même un livret. Alors, le booklet est là. Le booklet, il est là. Alors, je suis bien content. C'est bien rare que j'ajoute des jeux 3DS à ma collection. Puis je dois dire, j'y joue très rarement à ma 3DS. Ouais, c'est des jeux qu'on n'a pas sur la pocket. Fait que moi, je la sors pas souvent. Moi non plus. Mais j'ai une flashcard sur ma 3DS. Fait que je vais regarder ça. Tu checkeras ça. Ben oui. Ça en vaut la peine. Prochain jeu de Nintendo Switch ici. Il s'agit de Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade Wrath of the Mutants. Donc, c'est sorti, ça. Je sais pas si c'était disponible en digital depuis longtemps, mais la version physique de ça est sortie complètement par hasard, comme c'est apparu de même du jour au lendemain. Ah ouais. Et puis c'est sorti, puis c'était disponible en magasin. Et puis j'ai comme, waouh, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Cela, Jean-François, c'est le jeu d'arcade. Okay. C'est la grosse arcade à quatre joueurs récente, là. Tu sais, moderne, là. T'as-tu déjà vu ça? Ouais, je sais de quoi tu parles. Fait que c'est ça. Ça, c'est le jeu d'arcade qui est maintenant sur Switch, disponible pour vous, qui peut jouer jusqu'à 4. Et puis, c'est un pour un, là, le jeu d'arcade. Donc, et puis, c'est juste 30$. Je sais plus s'il nous en reste des copies chez Retro MTL. D'ailleurs, les copies qu'on a reçues étaient dégueulasses. Le seal était pas beau. Tout était comme friponné. Il y a des seals qui étaient maganés aussi. Fait que c'était un petit peu décevant, moi, on va vous le dire. Mais quand même, pour 30$, on le voit à l'écran là. Ouais, c'est. Non. Ça, c'est one-up là, mais. Non. Juste à droite de celle-là. À ta droite. Non. Là? En bas, redescend. You. Oui, elle. Non. Elle? Elle. C'est cette arcade-là. Ouais. Donc, ça, il y a ça. C'est une arcade moderne, là. Il y a ça dans les arcades contemporaines. Et puis, c'est ce jeu-là. Donc, c'est très cool. C'est pas le meilleur jeu de Turtles de tous les temps, là. C'est pas à la hauteur de Shredder's Revenge, là, ou de Turtles in Time, on s'entend. Mais c'est convenable et puis c'est sympathique. Puis c'est de l'ère de Nickelodeon. Donc, pour 30 tomates, moi, j'ai que ça vaut la peine. Il y a Jim dans le chat qui dit que boire de la bière à la canne au lieu de boire dans un verre te fait roter de la broue, ça se fait dans ton estomac, au lieu de se faire dans le verre. C'est intéressant, ça. C'est on vrai. Va essayer prochaine fois de le boire on dans un verre. On va se faire des verres, man. On se fait une pile de bière là, qui va monter. Merci, Jim. On va checker ça, certain. Prochain jeu, man. Ça, c'est très cool. Ça s'appelle... Oh. Donut Dodo. Et puis, oui, monsieur. Ah, Dodo comme l'oiseau, ben oui. Oui, l'oiseau est comme le dodo des beignes. Donc, ça, là, c'est absolument... Je savais pas c'est quoi cette affaire-là. J'ai vu apparaître ça sur les listes de nos fournisseurs. Je suis allé voir du gameplay. Et puis ça, c'est 100% un jeu d'arcade. C'est Donkey Kong, mais avec bien de la profondeur. T'es-tu capable, JF, de prendre le temps d'aller mettre un peu de... Du gameplay. De gameplay de ça? Ouais, dans une seconde. Fait que je vais continuer à en parler. Donc, c'était 35$. C'est pas un jeu... C'est PAL. Ben, il a été printé en Europe, là, mais je sais pas de où le jeu provient exactement. Mais on n'en a pas commandé là, pour le magasin ici. Ça, c'était vraiment un test que je faisais personnellement. Et puis, mais je trouvais que ça avait l'air malade. Et puis, c'est ça. C'est comme Donkey Kong. Puis, je l'ai essayé un peu, puis c'est vraiment hot, là. Ben, c'est hot, jeu d'arcade hot, là. Oups. Ah, laisse le son, peut-être. Je sais pas si ça va. Je sais pas si les gens l'entendent, en fait, mais ça va nous enterrer, en fait, là. Fait que là, tu ramasses les beignes. Ah, ben t'aurais quasiment pu laisser le son. Ça aurait peut-être... Parce que la musique est vraiment hot, là. Fait que là, tu ramasses les beignes, t'évites les bébites, et puis il faut que tu te dépêches. Puis quand t'es ramasses tout, ben il faut que t'ailles ramasser le gros donut en haut. Fait que ouais, ça, c'est le premier niveau. Tu peux peut-être le skip, l'avancer un peu. Il y a... Oups. Ah, ben là, tu reviens à la même wave. Il y a genre quatre niveaux différents, là, tu sais. Ah, ben ouais. Tu sais, à l'arcade, ben Donkey Kong, il y a quoi à ça? Quatre niveaux différents. Fait que là-dedans aussi, il y en a 4-5, là. Et puis, c'est frénétique. Oui, ça ressemble à... Non, c'est pas Burger Time du tout, pour vrai. C'est vraiment Donkey Kong, là, où est-ce que c'est du saut. Tu sautes, tu plateformes, et puis tu ramasses des affaires. Burger Time, c'est... Il y a rien comme Burger Time, je trouve. C'est très... c'est spécial, Burger Time, pas, dans sa façon que c'est fait. Pas grand-chose qui est fait de même. Puis Burger Time, il faut que tu piles sur les gros burgers et tout, mais là-dedans, c'est vraiment du ramassage de stock. Alors, très, très cool, pour vrai. On peut avoir du plaisir avec ça en masse. La musique est incroyable. C'est un look arcade parfait. Donut Dodo, mesdames et messieurs. Très heureux d'avoir ça dans ma collection. T'es carré. Et puis, on termine avec un jeu de Super Nintendo. Il s'agit de D-Force. Puis ça aussi, c'est un shmup, Jean-François. Oh! Moi, au début, j'avais jamais... Je savais que c'était un early jeu Super NES, ça, puis la pochette est dégueulasse. J'ai comme une shot, c'est quoi cette compagnie-là? Asmik? Asmik, ça, c'est très drôle. Ils ont fait des... ils ont un petit dinosaure. Ils ont une mascotte, un petit dinosaure. Sur Game Boy, il y a un jeu Asmik Boomer's Adventure. Et puis, je pense qu'ils ont fait un peu de ce dinosaure-là, un peu laid, essayer de faire de ça là, un mascotte, je sais pas quoi. Et puis, au NES, il y a des jeux de Asmik, dont Worm Journey to the Center of the Earth, il me semble. Exact. Boomer's Adventures, Asmik World. Donc là, c'est comme une tentative, ça, là. Laisse-le là, puis tape Asmic NES Games, voilà. Il me semble qu'il y a Worm Journey to the Center of the Earth. Ah oui, Conquest of the Crystal Palace. Il n'est pas published par Asmic, mais il est développé par Asmic. C'est quand même pas si mal. Worm est là. Asmic Ace Entertainment. Ah, il y a d'autres affaires. Super Highlight. Super Street Eagle. Ah ouais, ça c'est dégueulasse. Do Capon, Monster Hunter. D-Force est là. Xardian, D-Force. Ah, Xardian, man, c'est ça. C'est tous des jeux. Puis, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Bref, puis ce D-Force-là est un shmup. Puis quand je suis comme, wow, j'ai jamais essayé ça, moi, ce jeu-là. Et puis je l'ai essayé. Et puis c'est très rapide. Là. Okay. Ben, le jeu est rapide. Les boss sont fucking rapides. Okay, ouais. Je suis pas capable de tuer le premier boss. Ça va trop shit, vite. Okay. Fait que c'est comme broken, tu sais. Mais c'est prometteur. Le gameplay est bon, tu sais. Comme t'as une vibe. Tu joues, t'es comme, ah, je suis là, là. Je suis là. Mais man, t'arrives au boss, c'est pas fair, là. C'est broken rendu là. Et c'est très, très dommage pour ça. C'est un jeu qui est quand même commun. Et puis, je sais pas pourquoi il me manquait ça encore, mais il est comme apparu random chez Retro MTL. Donc, très content de ça. Alors, grâce à l'acquisition de ce D-Force qui vaut 15$, j'en suis maintenant à 701 jeux sur 722 dans la librairie complète de la Super Nintendo. Alors, il me manque 21 jeux. Ah ben là, tu vois, tu as mis du gameplay de Asmic. De D-Force. Donc, tu vois, c'est pas si pire, là. Puis, c'est des sprays des balles, là, beaucoup, là, tu sais, ça y va, là. Tu t'en sors pas pire dans tout ça. Tu sais, ça, c'est pas le si premier... Pire, ouais. Non, c'est pas... Je te dis, c'est pas si pire. Il me semble que la musique, c'est à chier, par contre. Mais il y a du stock, mais c'est vraiment rendu au premier boss, là, man. Je rushais bien raide, là. Dans le chat, on dit que ça a l'air jouable. Ça en a c'est de l'air. C'est le plus grand comme... Le plus grand praise qu'on peut faire sur un jeu de ça monde. N'a de l'air. Mais vous l'essayerez pour vrai en émulation ou whatever. Ben oui, là, ben même, achetez-le là, si vous trouvez ça dans la nature là, à 10$. Ou chez Retro MTL. Ou chez Retro MTL. Ben là, vous auriez pu avoir cette copie-là, mais c'est Papa Cassel l'a gardé pour lui. Fait qu'il n'aura pas pour vous, pour ça l'instant. Ça te prendrait un autre panneau avec les jeux qui te restent de Super NES avant de finir ton set, là? Oui, ben, je vais le faire, en fait. Ouais. Fait que dans la section collection, on pourrait tout le temps finir avec le panneau. Puis, ça. Mais j'en ai pas souvent, mais quand même, je pourrais préparer un panneau. Maintenant qu'il m'en reste 21, je pourrais faire un panneau tomber de 20. À 20, ouais, tu pourrais en ça serait beau, faire, ça. Ouais. Ah, c'est bon, ça, tu me le rappelles. Des belles idées. Exact. Fait que voilà, c'est tout pour la collection. C'était bien, c'était bien. C'est sympathique. Je suis content d'en avoir. J'en avais peu dernièrement. T'es très varié ce soir. Oui. J'aime ça quand il y a de la variété. Ouais, moi aussi, je trouve ça le fun. Exact. Fait que ça va, moi j'ai pas de critique. On s'en va en critique, en fait. Ouais, j'en ai une, moi. Parce que ça me tentait. Oui. Et on sort complètement de ma zone de confort ce soir, Dom. On s'en va dans un fighting game mixé avec un RPG sur oui. Game Boy Color. Je suis content que t'en parles. Ouais. Puis je pense qu'on l'a déjà couvert à Retro Nouveau il y a très longtemps. J'ai cherché longtemps. Puis je l'ai pas vu. Fait que peut-être ça a été perdu quelque part ou je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, Power Quest! Oui! Développé par Japan System Supply et Sunsoft. Publié par Sunsoft et Capcom. Et disponible sur Game Boy Color. Uniquement. Sur Game Boy Color. Et publié par Capcom au Japon et dans l'Ouest. Donc en Amérique par Sunsoft. Et comme je disais, Dom, ça c'est un jeu de fighting mélangé avec un RPG. Oui. C'est en fait, le concept de ce jeu-là, c'est que dans... C'était un peu l'époque, tu sais, Pokémon. Fait que ouais. Au lieu de se battre avec des Pokémon, dans ça, tu te bats avec des robots. Fait que dans la ville, tout le monde a un robot avec lequel ils se battent, puis ils font des compétitions de combat de robots. Puis en fait, l'école se termine et les jeunes sont comme « Yes, il y a un gros tournoi mondial qui va commencer bientôt, on va pouvoir se pratiquer nos robots. » Puis fait que t'as comme un aspect RPG dans ça, t'as un mode en overworld que tu vois de haut, que tu te promènes. Ouais. Puis c'est une map avec différentes sections. Puis dans chaque section, t'as des combats à faire. Fait qu'à chaque fois que t'arrives dans une section, t'as une image qui va apparaître qui va dire « Ok, tu te bats contre moi. All right. » Puis chaque section va avoir des points différents puis une difficulté différente. Fait que c'est beaucoup de grinding ce jeu-là en fait. Parce que tu vas ramasser de l'argent qui va te permettre d'acheter des pièces de robots qui vont augmenter tes levels, qui vont donner des power-ups spéciales, des blocs spéciales, attaques spéciales, des affaires-là. Là, on voit un peu là, en ce moment. Ah ouais, c'est, ok, c'est ça que ça se veut. C'est là. Le début du jeu. Ouais. Fait que des ça, c'est petites affaires télécommandées. Ça, là, on voit la portion un peu RPG que tu promènes. Ouais, ouais. Mais ça reste qu'en bout de ligne, c'est un... Tout est un... C'est un jeu de combat, en fait. C'est ça, la base de ce jeu-là. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vraiment très bon. Puis tu peux-tu perdre les parts que t'achètes? Non, ça, tu perds jamais de parts. Il y a certaines sections qui vont te faire perdre l'argent si tu perds ton combat. OK. Mais la plupart vont pas te faire perdre rien si tu l'as pas. T'as juste pas l'argent en bout de ligne, là. OK, OK. Donc là-dedans, tu vas avoir le choix de 6 robots qui vont tous se jouer différemment. Fait que t'as un robot qui s'appelle Max, que lui va donner des coups de poing très très forts. Un robot qui s'appelle Axe, c'est un all-rounder, donc lui fait des gros power d'attaque. Là, c'est lui qui va être le plus global, le plus facile à jouer. Lawn, donc qui fait des attaques de style kung-fu très rapide, okay. mais quand même vulnérable vu qu'il est très rapide. Gong, gros et puissant, fait que c'est un peu le tank dans celui-là. Speed, évidemment, sur la vitesse et les coups de pied très forts. Et il y a un sixième robot que tu peux prendre qui s'appelle Borot. Seulement disponible dans le mode, genre à une personne, pas en mode histoire, juste en mode combat. Okay. Il ne fait que puncher et il saute pas. Fait que touchez pas à ce bonhomme-là, ça donne rien. J'en reviens pas comment l'animation est belle. Là. Ben, pour le Game Boy Color, c'est incroyable. L'animation est belle, c'est fluide, il y a pas de drop frame. C'est tight, là. Puis c'était un peu mon commentaire que j'avais de ce jeu-là. Ça n'a pas de rapport d'être aussi bon, ce jeu-là. Voilà, c'est Capcom Sunsoft. Non, mais là, c'est ça l'affaire. Puis, je veux dire, la musique est incroyable parce que Sunsoft, là, c'est du gros Sunsoft tout le long. Puis bon, dans l'histoire, là, au début, c'est que tu partais avec tes chums, puis t'as une gang qui arrive, de genre avec des robots trafiqués qui veulent foutre la merde puis gagner le tournoi. Fait que là, faut que t'aies pogné contre ce monde-là. Puis tu bats des sub-boss. Puis là, tu grindes. Tu es comme, OK, c'est juste ça le jeu. Puis là, à un moment donné, il y a quelque chose qui se débarre. Le tournoi commence, puis il y a une autre partie de l'histoire qui se débarre, mais tout ça se fait en grind, fait que ce n'est que du combat. Là. Fait que l'élément RPG, il est très de base, c'est juste de ramasser de l'argent, d'augmenter tes parts, puis de choisir où est-ce que tu vas grinder, dans les sections plus tough, ou d'en faire plus dans le facile. T'sais. Mais tu peux rebattre le même monde à l'infini pour ramasser ton argent. C'est à chaque fois que tu vas dans une section... Tu ramasses tout le temps à faire ça, j'imagine. C'est ça que tu fais, ce n'est que ça. T'sais, mettons que tu vas à Factory, ben, c'est une personne de la Factory différente à chaque fois ou qui va revenir à chaque 2-3 combattants, mettons. Là. Okay, okay. Fait que c'est tout le temps le même monde, mais qui vont varier. Là. Dont tu faisais-tu des fois tout le temps de battre contre le faible, tu sais, pour ramasser un cash-in rapide? Ouais, j'ai pas eu le choix au début parce que j'étais pas capable de me battre contre les plus forts, j'étais trop fort. Mais quand toi, t'étais fort... Je me suis pas rendu assez fort pour genre juste battre les jeunes. Mais non, okay. Dès que je suis monté plus fort, je suis arrivé directement dans le moderate. Puis après ça, dès que t'es plus fort, t'as pas d'intérêt à aller te battre contre les plus faibles parce que c'est pas assez payant. Entre 20$ et 100$ ou 200$, tu vas aller sur 200$. Ouais. Parce que les parts coûtent genre level 1 1000, level 2 3000, puis genre level 3, je pense que c'est 5000. C'est quasiment un racket comme les pièces de piscine, ça. Ouais, comme les pièces de piscine ou comme petit Louis. Toi, dans ta vie, GF, tout ça compte à coup de 1000, malheureusement. Toujours. Les ordis, les pièces de piscine. Les quantités de bacon à préparer. Ouais, c'est ça. mais tu sais, c'est ça. Fait, moi, ce que je dis de ce jeu-là, c'est des super beaux graphismes, c'est super fluide. Les combats sont frénétiques, les combats sont très bons. Attaque de loin, tu peux lancer des boules comme de Power. Un Mega Man Street Fighter, on dit. Ça ressemble un peu à Street Fighter au niveau du combat, mais c'est très très light. Là. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a deux boutons, puis c'est genre attaque, coup de pied, attaque, coup de poing, c'est à peu près ça, là, avec des flèches. Ah ouais, mais il n'y a pas des combos. Il y a des combos de 2 à 3 boutons. Fait qu'en bas, en avant, mettons, avec coup de poing, il va lancer une boule, dépendamment du bonhomme. Ouais. Mettons, en bas, en avant, ou tu fais une fireball comme à Street Fighter? Je pense que c'est juste, mettons, downright, mettons, okay. Là, tu vas faire. Tu fais pas un demi-cercle. Ouais, tu fais pas un demi-cercle. J'allais lire le guide après ça en ligne pour être sûr de. Parce qu'ils ne t'expliquent pas, évidemment, dans le jeu, c'est quoi les contrôles. Fait que j'allais voir, puis c'était vraiment le temps, genre, en haut, en bas, ou en bas, en avant, ou en avant, en arrière. Là, fait que ça. GF fait toujours une hauteur, c'est moins de trouble. Ouais, il m'a enlevé ma piscine creusée, mettre une hors-terre. Mais une hors-terre dans ta piscine creusée. Oui, mais oui. Elle va être entourée d'un. Moi, la vidé, il m'a fait un skatepark dedans. C'est ça qu'il disait dans le chat. J'ai de casser le dos chez nous. Ben, bref, je pense que c'est un hidden gem, ça, de Game Boy Color, parce qu'on en entend pas tant parler, il me semble. Puis, en fait, je dis ça, puis j'entends pas tant parler de jeu de Game Boy Color, point, parce que c'est pas une console que j'ai eue, mais. Ouais, non, mais en c'était vraiment bon, pour vrai, là. En toute honnêteté, j'en vois ici. Je retrouve MTL de temps en temps, là. C'est pas rare. Et puis, je regarde Price Chart présentement, c'est à 27,43. Donc, d'après moi, ça a pris de la valeur. À une certaine époque, j'aurais pensé qu'un jeu de même, ça valait genre 10-15. Là. Fait que, d'après moi, on reconnaît de plus en plus sa valeur. Sa valeur au niveau de ce que c'est comme jeu, là, en fait. C'est ça que je veux dire. Là, on voit, enfin, j'avais pas dit, là, mais bon, tu vas faire des combos, puis plus tu fais de combos, plus ta jauge de power-up va monter. Là. La petite jauge rose. Jauge rose. Ouais, qui te permet après ça de faire des power-ups spéciaux. Là. Ouais, c'est ça. Puis si vous avez des amis qui ont chacun des Game Boy Color, vous pouvez vous battre contre avec un Cable Link. Ça, c'est quand même nice. Ouais, puis je me suis fait dire, en fait, que ça a l'air que si t'as le Super Game Boy, tu peux jouer à deux sur le Super Game Boy en même temps. Hein? Faudrait l'expérimenter. Ah ouais. Je savais même pas que le Super Game Boy prenait les jeux de Game Boy Color. Ça a l'air probablement que les couleurs doivent être toned down parce que t'as pas toute la palette de couleurs sur un Super Game Boy que t'as sur un Game Boy Color. Là. Fait que ouais, faudrait l'essayer. Et tout ça est à notre portée, Jean-François, ben parce que je possède des consoles et une game, Super Game Boy. Moi aussi, je possède tout ça. Je possède juste pas la cassette de ça, de Power Quest. Là. Mais là, t'as dit que tu l'as pas fini. J'ai pas fini, non. J'ai pas grindé jusqu'à la fin. Là. T'as joué combien de temps? J'ai joué peut-être un petit 2h30 là-dessus. Là, quand même. Sentais-tu que t'étais proche de la fin? Non. Long, là. Il y a beaucoup de grinding. Là. Je suis dans le début du tournoi, puis je pense qu'il y a un autre tournoi après. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'histoires qui se développent. C'est long à grinder, c'est long à ramasser, puis je suis peut-être juste pas bon aussi dans mes skills. Là. Bah. Probablement que j'aurais pu monter plus vite si j'avais été meilleur au début, tu sais, mais j'ai beaucoup de plaisir. Là. La version japonaise sur la Super Game Boy, tu pouvais jouer à deux. Bon, ben voilà. Ah, ok. Mais bon. Ouais, check-moi les camps quand c'était beau. Là. Ah, ouais, les non. Les camps de début, là. Tout ça est magnifique. Donc voilà, c'est une très courte critique. Là. Je voulais en parler pour ceux qui n'avaient jamais vu ce jeu-là. Excellent jeu de combat sur Game Boy Color. Et pour toutes ces raisons, je vais lui accorder la note de 4 pommes sur 5. 4 bonnes pommes, gala, là, bien, bien sec. Ça aurait pu être même 4.5, là, honnêtement. Là, c'était ah ouais, tant que ça. Ah, c'est très, très bon, là, pour vrai. Là. Puis je suis pas un gars de jeu de combat, normalement. Puis j'ai accroché dessus. Fait, preuve que c'est bon, puis c'est facile d'accès. T'sais. Mais ton plaisir, tu l'avais en faisant les combats, vraiment? Les combats, ouais. Ou ouais. Genre en voyant le cash rentrer puis upgrade? Non, pas le cash. Je trouvais que c'était long de grinder, justement. Okay. Mais j'ai commencé à avoir du plaisir quand j'ai commencé à maîtriser les skills des robots puis de commencer à faire comme, OK, lui, il slide une jambette, tu peux revoler dans les airs, faire une boule de feu. Puis quand j'ai commencé à comprendre la technique de comment bloquer, là, je suis comme, OK, là, je maîtrise les codes des jeux de fighting. Ouais. On peut avancer, c'est bon. Là. Exact. Très bon jeu. Très intéressant. Voilà. Donc, on se retrouverait aux questions du public. Wow, on clenche ce soir, c'est bon? Ouais, déjà. Ben, on en a beaucoup, alors... On va aller ici comme ça. Ça fait 50 minutes que le spectacle est commencé. Alors, je vais commencer avec un message Messenger que Alan Bernard, fidèle auditeur et all-around cool dude, m'a écrit. Bonjour Dominique, une suggestion pour tes prochaines interventions à tes questions des auditeurs. Parle-nous des vols à l'étalage ou tentatives d'intrusion dans ton commerce, s'il vous plaît. Si tu peux en dire quelques détails, bien sûr. Personnellement, quand j'étais en affaires, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'est beau, ça. Ouais, hein? En même temps, j'ai pas tant envie de révéler au monde comment nous voici voler. Voici comment rentrer, j'ai retourné TL, je l'ai bâclé. Mais on a eu... Mais il y a des commerces qui publicisent ce qui leur arrive, tu sais, puis les problèmes qu'ils vivent, c'est que tu te fais péter tes affaires, tu te fais voler, tout ça. Puis là, je parle pas de commerce de jeux vidéo nécessairement. Je parle de ce que je vois passer sur les médias sociaux, tu sais. Ouais. Et puis, n'importe quoi, là, même des bars, tu sais. Hey, ouais, les vitres pétées, les graffitis. Exact. Fait que chez Arcade MTL, mettons, dans la dernière année, il y a un client qui est allé en arrière de la caisse. On a un staff qui a oublié de refermer le coffret de la caisse. Qui a laissé la clé dans le coffret. OK. Ben, dans le tiroir caisse. Le client a vu ça. Il est allé en arrière, il a ouvert le tiroir caisse, il a rempli les poches. Puis après ça, il est ressorti en arrière du bar. Puis là, la barmaid l'a vu, tu sais. Okay. Elle dit « Hey, là, toi, ta-ta-ta. » Mais là, elle est... Ah, Alain, il est dans le chat. C'est Galgator. Ah, c'est Galgator dans le chat. Ah, excellent. Bon, on replace les affaires, là. Fait que bref, puis qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, tu sais, le gars, il a dit « Fuck you ». Parce que, ben, elle va pas se battre avec, tu sais. Fait qu'il est parti, il va appeler la police, tu sais. Fait que un autre dude qui avait volé une bouteille de fort en se tendant le bras à l'arcade. L'arcade, on se fait voler pas mal d'affaires. Ouais, t'sais. Mais dans un bar beaucoup apte à ça, j'imagine, là, les gens avaient en boisson. Là, exact. Puis il y a du monde aussi qui se faisait des fiertés de ramasser des affaires dans les bars puis de voler les bars, là. C'est vraiment chiant, tu sais. Voler des pintes de bière, là, si vous voulez, on s'en calisse, c'est fourni par la batte gratuitement. C'est ce que j'ai vu le plus, les filles qui mettaient des bugs dans leur sacoche, mettons, là. Mais... C'est ça. Voler les bières, là, si vous voulez voler de quoi, les pintes de bière, là. Mais volez pas, style, la ceinture de lutte de Arcade MTL, notre casquette de Punch-Out, nos épées de Final Fantasy. Volez donc pas, style, les affaires qui nous coûtent des centaines et des centaines de dollars à faire, là, tu sais. Tu sais, voler la belt. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça chez vous, Calis? Tu peux pas la montrer à personne. T'as l'air d'un cave après ça. Ben oui, non, c'est vraiment de la merde, tu sais. Puis ici, chez Retro MTL, on a pogné, là. On a vu du monde sur des caméras et tout ça, tu sais. Fait que... Mais à notre ancien local, on a eu des break-ins. On en a eu 3, genre. Et puis, il y a des portes cassées de monde qui n'ont pas réussi à rentrer. Il y en a eu ça aussi, en effet. Parce qu'il existe une pellicule anti-intrusion. Ah. C'est une affaire magique, ça, que tu fais installer dans tes fenêtres. Et puis, toi, tu peux arriver avec une brique, tirer ça toutes tes forces. La fenêtre va éclater, mais elle va rester en place. OK. Et fait que ça fonctionne très bien. Ça l'a empêché bien des vols. Les vols qu'on a eus, c'est parce que, genre, un staff avait laissé la porte débarrée du sous-sol ou des affaires de même. C'était des affaires niaiseuses. Mais casser la porte et rentrer dans la porte cassée, les pellicules anti-intrusion ont tout le temps paré cela. Alors, il y en a dans toutes les vitres, partout, ici. Donc, ça ne vous donne rien d'essayer. Fait que voilà. Et puis, les vols qu'on subit et qu'on se rend pas compte, on s'en rend compte quand on fait l'inventaire, surtout. Et puis, je pense que la moyenne est quand même bonne. Oui, il y a des anomalies quand on fait l'inventaire, mais je pense que les anomalies sont surtout dues à des erreurs de notre part. On rajoute tel jeu, finalement, on ne l'a pas, whatever. Mais pour vrai, je pense que la moyenne est excellente, vraiment. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour l'humanité. Ça veut dire que les gens sont pas des hosties de mange-marde et puis qu'ils font attention aux commerces locaux. Alors, c'est au commerce en général, tu sais, que volez pas nulle part, là, s'il vous plaît. Fait que ça, c'est très bien. Alors, pour vrai, je m'attendais à ce que ça soit plus un calvaire que ça à gérer. Ouais, ouais. C'est vraiment plus à l'arcade là, que c'est compliqué, tu sais. Étrangement, comparé à un magasin qui est plein de stock. Je pense qu'on s'est fait voler un toutou là, il y a un mois. Là, on le trouvait vraiment pas. Pis c'est weird. Là, y avait pas on en déduit qu'on se l'est fait voler. Là, mais... C'est dans votre budget, ça, genre des erreurs de ou des vols un peu genre d'une contingence. Là. Ben, tu sais, mettons, quand il y a un break-in où les gens ils éclatent la porte et sont pas capables de rentrer, nouvelle vite, ça coûte, moi, 1000$. T'sais, on commencera pas à caler les assurances pour ça. Fait que ça, c'est juste fucking chiant, là, t'sais, parce que nous autres, faut qu'on la remplace. Fait que ça, on fait juste pitcher de l'argent dans le feu. Mais pour le reste, s'il y avait des plus gros débris ou délits ou whatever, oui, on a des assurances pour ça. Mais la plupart du temps, ça vaut pas vraiment la peine. Là, t'sais. Fait que on le paye, puis ça nous fait chier. Mais on n'établit pas un budget vol et destruction en début d'année. C'est pas des affaires qu'on compte. C'est pas assez gros pour fréquent. Maintenant. Non, on sait qu'on va le subir, là, puis ça fait partie de la game, là, mais on le compte pas. Là. On n'a pas, mettons, OK, cette année, on a 20 000 piastres de pétage. On peut se permettre de se faire péter quatre portes. C'est clair. Il y a Gator qui dit dans son commerce, il y a déjà un char qui avait défoncé une vitrine pour rentrer de force. Hey, ça, c'est... Comme ta petite pellicule avec un char qui rentre dans la fenêtre. Ouais, non, ça marcherait. Ça marcherait, ça. Fait que si vous voulez foncer avec un char dans une fenêtre qui est en haut, allez-y. Là. Donc, on va aller dans Instagram parce qu'on encourage aussi Instagram. Olivier Hugo demande « Dans quelle saison préfères-tu rouler tes commerces? » Ça, c'est intéressant. Je dirais que pour l'arcade, les saisons plus froides roulent plus parce qu'on est bord de jeux vidéo, tu sais, puis on n'a pas de terrasse. Alors, l'été, il y a les touristes toujours. Ça marche bien et puis c'est vraiment bon. On a des grosses soirées dans l'été aussi, bien sûr, mais... Pour l'arcade, c'est novembre-décembre, là, bien sûr. Décembre, c'est notre gros mois parce qu'il y a bien des parties, puis des corpos, puis des affaires de bouquets, puis le monde y fête et tout ça. Fait que ça marche au bout. Et puis, pour être MTL, c'est vraiment Q1, là, le premier quart qui est le plus dead. Tu vois, l'arcade, c'est vraiment l'été qui est plus tranquille. Tandis qu'ici, chez Retro MTL, l'été... Là, dans notre nouvel espace, on l'a pas vécu encore, mais dans l'ancien espace, tu sais, ça roule, là, les touristes et tout ça. En fait, Montréal est une ville quand même très touristique. Et puis ça, c'est tellement bon pour l'économie, c'est tellement bon pour nous autres. Il y a plein de monde qui viennent à l'arcade, il y a plein de monde en magasin l'été ici, ça marche à côté, plein de monde tout le temps. C'est le bord du stade, c'est comme un coin qui doit avoir bien du monde qui passe là aussi. Là. Exact. Ben là, il y a des travaux pour les quatre prochaines années, mais quand même, ça, c'est très bon. Et puis, la période la plus creuse, c'est tout le temps après Noël. La période la plus forte, c'est Noël au niveau des ventes. J'imagine. Là. Et puis, quoique l'été, en juillet, habituellement, on réussit à tirer pas pire pas en tout. Mais décembre, c'est sûr, là, c'est à côté. Puis après ça, c'est... Dead. Oh, ouais. Dead. Pas janvier, février, c'est mort. C'est là qu'on fait l'inventaire, qu'on se replace, qu'on se prépare et puis tout ça. Et puis là, ça remonte comme ça, là, tu sais. Fait que, mais anyway, pour ce qui est de un ou l'autre, je préfère toujours l'été. Moi, c'est moins salissant. Puis on est mieux. Fait que, on s'en va sur Facebook. Ici. Voilà. Dave Boudreau, que pensez-vous du lancement de Nintendo World Championship? On en a parlé tantôt. Ça va être cool. On n'a pas parlé du prix, en fait, 79,99, qui est un prix d'un jeu neuf de Switch. Mais là, c'est un collector-ish avec plein d'affaires. Ouais, donc, ouais, ouais. Je trouve que c'est un... T'en as pour ton argent. Patrick Beauséjour, as-tu du Nintendo 64 dans ta collection personnelle? Non. J'ai déjà eu une 64 et puis je l'ai vendue. J'avais des jeux, j'avais Conker, j'avais Jet Force Gemini, j'avais Mischief Makers, tous des jeux que je considérais, Body Harvest, que je considérais intéressants. Ouais, ouais. Tout ça, mais je... GoldenEye, mais j'ai jamais... GoldenEye, j'accrochais un peu quand même. Ah. Là, t'sais, c'est pas du tout mon style, mais... C'était plaisant à l'époque. J'haïssais pas ça, tu sais. Mais j'ai pas aimé, j'ai pas réussi à me forcer à aimer cette machine-là. Moi, je suis plus old school. Là. Ouais, ouais. Toi, JF, t'en as... J'ai encore la mienne de quand j'étais jeune, là, en fait. Puis c'est ma collection de quand j'étais jeune. J'ai jamais racheté plein de jeux par-dessus, là, mais j'ai les classiques, là, Mario, Wave Race, Wayne Gretzky 3D Hockey. Qui est bon, apparemment. Qui est super bon. Moi, je l'adore, ce jeu-là. Vraiment bon. No Mercy, évidemment, là, les jeux de lutte. Ah, là, la 64 pour les jeux de lutte, c'est quand même bon. J'ai quelques jeux de lutte. T'es as-tu essayé pas mal tout? Genre, je les ai roulés dans le tapis, ces jeux-là, quand j'étais jeune. Là. Ouais. J'ai eu de Warzone jusqu'à No Mercy. Là. J'ai souffert jusqu'à temps que j'aie du plaisir. ECW aussi, hardcore? Je l'ai pas, ça, là, je pense, ECW, par exemple. Chris, tu vas savoir quoi t'acheter à Noël. Ouais, vas-y, ben oui, dans l'échange de cadeaux. Ouais. L'échange de cadeaux papa cassette. Exactement. On va aller chercher des jeux en arrière là-bas pour revenir. Là. J'ai trouvé ça. Malheureusement, on n'a pas de jeux de 64 parce qu'on les met tout de suite en inventaire parce que ça vend tellement bien. Si vous avez fait un full set de 64 ou que vous êtes proche de la fin et que vous voulez abandonner, vendre tout ça, écrivez-nous. On a besoin d'acheter des jeux de 64 tout le temps. Moi, on dit dans le chat même pas les Castlevania. Non, j'ai pas joué Castlevania 64. Moi, j'ai essayé Castlevania 64, le premier. Puis, ben, je possédais pas de console 64. T'sais. Fait j'ai pas. Je l'ai loué pour jouer chez un ami. T'sais. Ouais, ouais. Puis, j'ai pas accroché. Mais c'est la première console, moi, qu'on a loué au club vidéo avec un dépôt de 300$. Oui, là. Oui, c'est, oui. Moi, c'est ça dans mes souvenirs. Là, de, c'est vrai, hein? De convaincre ma mère d'aller faire ça, puis d'arriver avec mon frère, puis de jouer à Wave Race, puis de faire comme. L'eau est donc bien réaliste. Ah ouais. Mais c'était bon, Bray. C'est bon, vrai, ouais. Wave Race. Là. Puis l'eau est vraiment réaliste. Ouais, ouais, c'est un bon jeu. Là. Ouais. Mais ça, c'était bon. Moi, j'avais loué une Sega Saturn dans le temps. C'est la seule console que j'avais louée chez mes grands-parents. Mais pour ce qui est de Castlevania, tu sais, moi, j'ai Castlevania, j'ai commencé, je veux dire, avec Castlevania au NES, là, tu sais. Mm-hmm. C'est ça qui a bâti mon amour de Castlevania. Ouais, ouais. Si j'avais été plus jeune, puis que ma vie de joueur de jeux vidéo avait commencé avec la 64, serais-tu aujourd'hui un aimant de Castlevania si ma vie, ça avait été Castlevania 64? Définitivement pas, tu sais. Fait que c'est ça. T'aurais sûrement accroché sur autre chose si t'avais commencé avec celle-là. Là. Exact. Puis après, j'aurais-tu essayé Symphony of the Night. Plus tard, je me serais dit, j'aurais sûrement pas eu ça parce que j'avais déjà une 64. J'avais pas de PlayStation. Tu comprends? Fait que tu peux pas commencer à aimer Castlevania avec Castlevania 64. Cela dit, Darkness, l'autre là. Perfect Dark? Non, l'autre Castlevania. Asti. J'ai juste ceux-là de 64 dans la tête. Larry, comment il s'appelle, l'autre Castlevania? Voyons. Hey, c'est fou. Je fais de la démence, man. J'ai des blancs de mémoire. Oh, c'est la fatigue, je pense, plus que la démence. Là. Oh, ça se peut. Je suis plus capable. Bref, le 2. Non. Rondo, sur 64, Kalanar. L'autre jeu, Legacy of Darkness. C'est ça. Non, on a... Tout le monde s'attend. Je parle des Castlevania. Personne ne sait qu'il y a un deuxième Castlevania. Legacy of Darkness. Au 64, qui s'appelle Legacy of Darkness, qui était quand même un petit peu calqué sur le premier, mais qui est, paraît-il, vraiment meilleur. T'sais, du moins, selon GameSack. Ah, ouais, Method Cobra, il savait pas qu'il y en avait un autre. Ben oui, il y a un deuxième Castlevania au 64, où est-ce que t'es une espèce de loup-garou, là? Et puis moi, là... Je suis pas prêt là, à pas avoir un fouet dans Castlevania. On va avoir un épée là. Je regarde, là, mettons, là, ici, les jeux Sonic 4. Mario Sonic 4, je l'avais. GoldenEye, je l'avais. Mario Kart, je l'avais. Zelda, je l'avais. Donkey Kong, je l'avais. Perfect Dark, je l'avais. J'avais les gros jeux. Ah, 1080 Snowboard, j'avais ça. Ouais. Wave Race. Ah ouais, t'as décidé, t'as dit à tes parents, je veux Wave Race. Ben, je pense que je l'avais peut-être même acheté ou on l'avait demandé. Ou... Il y a des affaires que j'avais. Ah, Diddy Kong Racing, j'avais ça aussi. Oui. C'était bon. Moins bon présentement, je trouve. Mario Tennis, je pense, ça peut-tu? No Mercy. Très bon aussi. Ouais, Mario Golf, No Mercy. Star Wars, j'avais ça. J'avais quand même une bonne coupe, là. Colin, t'avais beaucoup de jeux? Quand même, ouais. C'est quand je faisais de l'argent. Ah, je pense que j'ai commencé à travailler en ce temps-là, peut-être. Je sais plus. La démence, moi, avec, là, je pense, c'est... Mais bref, quelle meilleure façon de connaître la librairie de la Nintendo 64 ben oui. que de précommander chez RetroMTL le livre de Pat Country. Alors, allez sur RetroMTL.com, section précommande et précommander ce beau livre-là, mesdames et messieurs. Et aussi... Analog, l'excellente compagnie qui font des consoles modernes, mais des consoles rétro modernes. Ouais, ouais. Travaillent sur la 64 présentement. Ouais, c'est vrai. Et puis ça va être insane, là. Tu sais, ils vont sortir une 64. Analog vont faire une 64. Ça va être fou, j'ai quasiment envie de m'en acheter une. Et moi aussi, le pays. Pour vrai, là. Ben, t'aimerais ça, man. Probablement, juste pour rejouer à No Mercy. Puis tu sais quoi, man? On pourrait peut-être tolérer ça au WEG. Il y a une année, j'avais amené une Sonic 4 et elle est restée dans le sous-sol, dans la honte tout seul. C'est fou pareil. Peut-être on pourrait se risquer d'en amener un autre. Mais je pense que c'est parce qu'elle partait pas. Genre, il y a quelque chose qui marchait pas, que l'image sortait pas sur la télévision. Là. Ouais. Il s'était passé de quoi? Je voulais qu'on joue à la lutte, me semble. Là. Ah, man. Ben, ramène-la la prochaine fois. Là, on va arrêter de snobber. C'est pas les projets qui manquent, anyway. Là. C'est ça. Michael Goulès. Donc, Michael Goulet, I guess, qui doit être professeur, il change son nom. Vous parlez... Ah, c'est pour ça, d'habitude. C'est... Ben, moi, j'arrête pas de dire ça. Tous ceux qui changent leur nom, c'est des professeurs ou des policiers. Des gens dans fonction publique. Ouais, là, fait que, vous parlez souvent de Zeph. Est-ce que c'est Joe le Zeph des Word Up Battles? Si oui, êtes-vous fan de Battle Rap? Et si oui, qui est, selon vous, le meilleur Battle Rapper du Québec? Alors, tu as bien raison. Oui. Il s'agit de Joe le Zeph des Word Up Battles. Et puis moi, j'ai connu Zeph à l'origine parce que à mon ancienne maison, dans le centre-sud, il y avait un commerce à côté de peinture, de spray paint pour les taggers, ouais, puis ouais. Les gens qui font du graffiti. Là. Et puis ça, c'était tenu par un Français. Et puis c'était une très cool boutique puis tout ça. Puis dans cette boutique-là, il y avait parfois des battle rap. Puis les battle rappers seraient... convergeait autour de ça. C'était comme un point du réseau. C'est le up des battle rappers. Puis ce gars-là, ce Français-là qui tenait la boutique, à un moment donné, a vu que j'avais fait une petite vente de garage chez nous, que j'avais du NES. Puis là, il a appelé au téléphone quelqu'un. Puis là, il m'a dit « Ouais, c'est un gars que je connais, il cherche tous les jeux NES. » Et puis, finalement, j'avais pas. Et puis, il y avait des arcades dans son sol et tout. Puis c'est comme ça que je suis rentré en communication avec Zeph, où est-ce que moi, je me suis mis à vendre des jeux de chez nous aussi, puis il a vu mes annonces, puis il est venu chez nous dans ma maison parce qu'il cherchait à faire son full set NES à l'époque. Okay. Puis c'est là qu'il m'a parlé aussi de ça, t'sais, World Up Battles, puis tout. Fait que je l'ai tout connu comme ça, Zeph, en fait, autour de ça, autour de mon ancienne maison, ce qui est très weird. Et puis, ben là, il est venu à un moment donné, il s'est mis à venir des fois de temps en temps dans les soirées d'arcade, etc. Ouais, puis ouais. Il est rentré dans le loop, et puis à cette heure, c'est un ami de la gang qu'on voit que au WEG. Hein? On le voit jamais. C'est hein, assez rare qu'on le voit dehors du WEG, effectivement. Là. Exact, exact. Fait que ils sont pas beaucoup de chez eux, mais il est bien fin, puis il est bien fun. Puis, ouais. Est-ce qu'il fait encore des Word Up Battle? Non. Est-ce que les Word Up Battle existent encore? J'en ai aucune idée, vraiment. C'est pas mon univers du tout, je sais pas. Et puis, c'est qui le meilleur battle rapper du Québec? Je sais pas où en est rendu la game, par rapport... la scène du battle rap québécois. Là. Mais à l'époque, il y a un nom que je me rappelais, le gars était maigre. C'était D-Natural. Ouais, D-Natural n'était pas là-dedans, non. C'était tout underground, ça. Mais comment il s'appelait, le dude, là? Cédric. C'est un gars qui s'appelle... Cédric, man! Jamai, c'était le gold des Word Up, qu'on dit. Ah ouais? Pour vrai, Larry, t'es-tu au courant des Word Up? Parce que moi, je cherche un gars, là, il était slim. C'était un nom niaiseux, c'est là. C'est pathétique. C'était quelque chose. Tioui! Elle l'aime, Tioui. Non, c'était... Ah, man! Fuck, Sti, faut que j'aille... Appelle Zeph! J'ai appelé Zeph, certain. En tout cas. Mais c'est très drôle. Ça existe plus depuis genre 10 ans qu'on dit dans le chat. Ah, ok, ok. Name Larry, dis-moi une couple de noms si t'es capable là, dans le chat, puis je vais te dire ah oui. Oui, c'est ça! Le jeune Chili Chill, man. Wow! Bravo, il l'a sorti tout de suite, ça veut dire qu'il était fort, là. Cédric, c'est le gars de Puff Puff Give. Puff Puff Give, man. Ah, y a des Vous avez trop de knowledge de rap battle. C'est impressionnant comment est-ce que mon nom dans le chat ont du knowledge. Mais oui, c'est fourré, c'est vrai. Le jeune Chili Chill, man, c'est le gars que je trouvais qu'il avait de l'air big à l'époque, là, tu sais. Mais tu vois, il n'y a pas d'album, puis il n'est pas dans le séjour présentement. séjour. Il doit être en train de faire autre chose. Il dans doit aller au police. Il doit être en train de travailler en frigoration, là, des frigos. Frigoration. Rien d'enlever de changer du fréon. C'est ça. Bon, prochaine question. Patrick Beauséjour. As-tu du Nintendo 64 dans ta collection personnelle? Bon, on vient de passer ça. On vient de répondre à tout ça, mon cher Pat. François Dicantine, hey. La légende. Oui. Que vas-tu acheter avec ton certificat cadeau du Game Over? Savais-tu, Jean-François, que j'ai gagné un certificat cadeau de 10$ au 10 coin pièces. Game Over? Saint-Hubert, ça? À Saint-Hubert, en effet. À côté de chez nous, ça. C'est à côté de chez vous, à côté de chez mes parents. À côté du AEW. Et puis, oui, absolument. Et puis, parce qu'eux, ils font des lives les mardis, à chaque mardi matin. Et puis, Simon, le gars qui fait ça. Et puis, moi, je les écoute. J'écoute tout. Hein. Quand les gens qui ont des boutiques de jeux font des affaires ou sont publics ou whatever, moi, je regarde tout, là, ouais. Peu importe qui. Ça m'intéresse. Je regarde ce que le monde font. Et puis, là, il fait une affaire à cette heure. C'est qu'il met une toune. Et puis, si tu devines le jeu de la toune, c'est 5$. Si tu devines une autre affaire, c'est... Non, c'est ça. Si tu devines le jeu, c'est 10$. Okay. Et le nom de la toune, c'est 5$ de plus. Okay. Fait que là, bref, il a mis une toune de Yoshi's Island. Et puis, la seule façon pour laquelle j'ai réussi à gagner ça, il y a deux choses, en fait. C'est parce que je suis vieux, puis tout le monde qui était dans le chat, il n'avait jamais joué au Super NES, apparemment. Et puis, c'est parce que c'est la toune qu'on a à Rétro Nouveau. Okay. Fait que c'est comme Yoshi's Island. Fait que là, voilà, j'ai gagné 10$. Fait que je vais aller m'acheter du filler de Super NES avec ça là-bas ou autre chose. Ils ont un c'est une belle boutique quand même, Game Over là-bas. Là. Oui, c'est une belle boutique. Et puis même, Je peux aller. Ouais. Je considérais quasiment avoir comme prochain invité eux, tu sais. Ben ou, oui. Ou l'un, deux, whatever. Faut y faire un lift ici. T'as bien raison. Mais ce qui est un peu weird aussi, tu sais, parce que d'une certaine façon, ben parce qu'on est des compétiteurs, là, malgré tout, tu sais, ouais. Mais moi, je crois plus en se parler, puis s'aider, ou voir qu'est-ce qu'on peut faire entre compétiteurs, entre guillemets, plutôt que de, genre, se jalouser. Mais parce que dans le rétro, en plus, vous n'avez pas nécessairement, tu sais, le même inventaire tout le temps, là, fait que j'imagine que ça doit se relancer un peu, là. Ben, j'imagine, mais tu sais, mettons, des fois, je vois des affaires, des gens qui nous envoient des évaluations par email ici, pour lesquelles on a fourni un prix. Puis, mettons, la semaine d'après, je vois que c'est le Game Over qui affiche ces jeux-là, tu sais. Donc, eux devraient offrir plus. Et à l'inverse, ça doit leur arriver aussi, là, tu sais, parce qu'on est quand même pas loin tant que ça, l'un de l'autre. Et puis, je considère pas qu'il y en a vraiment d'autres que nous deux là, qui couvrent Montréal et le sud, la rive sud de Montréal de façon importante. Fait que c'est ça. Donc, mais je pourrais, c'est intéressant parce que c'est intéressant. Eux autres, ça fait quand même très longtemps qu'ils font ça, tu sais, 10 ans, 15 ans, là, je sais pas quoi. Tu sais, eux, ils ont vécu le launch de la Wii, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est quand même cool. Donc, ils font ça depuis longtemps. Et puis, qui sait, peut-être ça pourrait être intéressant. J'ose comme pas leur en parler. Je sais pas où est-ce qu'ils se situent. T'sais. On vient de commencer à se parler. Quand je vais dans la boutique, là, ils me parlent. OK. Mais Joey, lui, il est comme, yeah, il parle à tout le monde, whatever. T'sais. Mais là, je commence à... Ben, il y en a un que je vois jamais, là, parce qu'il travaille la semaine, apparemment. Fait que là, on commence à se parler un petit peu la fin de semaine. Je suis content de ça. Parce que quand on prend le temps d'aller visiter les boutiques ailleurs, à Sherbrooke, whatever, ouais, ouais. T'sais, le monde qui... Quand on se reconnaît, on se parle, puis c'est cool. On check ça, nous autres, on fait ça. Regarde mon backstore, ça, c'est pour eBay. Ouais, ouais. Fait que bref, ça pourrait être intéressant. Alors, pour répondre à la question, ouais, je voudrais acheter du filler de Super NES. Et puis, mais je l'ai déjà regardé plusieurs fois, leur filler de Super NES, puis ils n'en ont pas reçu dernièrement. Mais j'ai peut-être que ça pourrait me faire un cash down sur leur Trip World à 2000$. Complètement, ouais. Il va me rester 1990. Exact. Ça couvrira même pas les taxes. Dans le chat, Simon, c'est Simon des Éditions de l'Homme, ça? C'est lui, ça? Simon Size. Écrivez Tikai, c'est mon nom sur YouTube, un talent caché. Fait que il aurait fait du rap battle apparemment, donc ah ouais? Allez voir Tikai, T-I, espace C-A-I-L. Ben, checkez ça, absolument. On va checker ça après le show, nous autres. Excellent. Fait que je vais me pogner une autre bière. T'en veux-tu ouais, une autre? Non, j'ai pas fini encore la mienne. Je suis mollo, là. Peur de tomber endormi en plein milieu du show. Tu peux lire le prochain commentaire ici. On était rendu maintenant à Pascal, le côté qui dit « Que se passe-t-il avec le jeu Contra Opération Galuga en version physique pour la Switch ou autre console? Aucun endroit a le jeu en question. La seule version disponible est la version digitale. » Ben, le jeu n'est pas encore disponible. C'est simple, c'est simple de même. Et voilà. Je ne sais pas s'il est disponible sur le site de Limited Run ou s'il l'a été puis il est sold out ou whatever. Mais pour les boutiques, il ne faut pas être pressé. Hein? Les boutiques, on les a en dernier. Là. Donc, si vous commandez chez Limited Run, vous allez l'avoir avant que si vous le commandez ou l'achetez dans une boutique. Donc, Limited Run commence par servir les gens qui achètent chez eux directement. Puis après, ils envoient des batchs là, aux fournisseurs et tout ça. Donc, c'est tout le temps après. Alors, si vous ratez votre chance, et puis ça arrive souvent que le monde dit comme « Allez-vous de m'avoir? Je l'ai pas prêt. J'ai oublié de checker Limited Run. » Ben oui, on est là. On va te sauver. Mais on est là. On est là. Alors, voilà. Pour ce qui est de contrat, ben, c'est pas qu'il y en a nulle part. C'est rien que c'est pas sorti encore. Et, dans le chat, on demande si je suis rendu avec des plus gros bras. À force de lever des tuyaux de piscine, je sais pas. Ah ouais, c'est ça, de pogner les nerfs. Et je m'entraîne pas. Je fais du sport en VR encore une fois. Là. Je suis encore là-dedans, là, mais ça se peut. C'est peut-être mon L'effet de mon petit coat. Ouais, c'est ça, ça se peut. On va le prendre. Ben ouais. Je me suis vraiment fait dire ça dans ma vie, j'ai l'air d'avoir des gros bras. Vois ça comme un compliment. Ouais. Je suis enfin rendu. Exact. Fait qu'on en aura, Pascal, voilà. Mais pas de panique, c'est nulle part. Ça va venir, mais on n'est pas rendu là encore. C'est pas sur nos listes de fournisseurs, donc à suivre. Patrick Doyon, lors du dernier épisode, vous avez beaucoup parlé du WEG. Mm-hmm. Mais j'aimerais savoir si vous faites beaucoup de WESG, week-end sans gaming. C'est-à-dire pas jouer, pas game chaser, pas de nettoyage de cassettes. Bref, aucune activité reliée de près ou de loin à des jeux vidéo. Toutes les fins de semaine, moi, à peu près. Là. Ouais. Je game pas tant, pour vrai. Là. Je game quand j'ai du temps, puis le temps que j'ai est assez rare. Ouais. Je vais gamer un peu de temps en temps. Là. Mais comme je dis, je m'entraîne en VR, fait que c'est ma portion de sport. Là. Mais là, j'ai fait un peu de Power Quest, semaine tranquille. Des fois, je joue un peu avec la Playdate. Là, où... Mais j'ai des sessions, genre de... Moi, gamer 6 heures en fin de semaine, ça arrive rarement. Là. Ben, mettons, le jeu de lutte, là, le plus récent, tu dois avoir joué pas mal. Ouais, j'ai une couple d'heures dessus, mais je me fais pas des sessions de 2-3 heures. Je joue une demi-heure, 45 minutes, pour ça je m'endors le fauteuil à moitié. Là. Mm-hmm. C'est ça qui arrive. Là. Puis même quand t'as pas ton gars, là, puis t'es libre là, comme l'air. Là. Quand j'ai pas mon gars, j'ai genre 1000 patentes à gérer, la maison, la clôture qui tombe, la piscine qui pète, la bouffe, ça, t'es là. C'est débile, j'arrive pas à retrouver mon temps en ce moment. Là. Quelle vie de merde! C'est fou, là. C'est terrible. J'ai l'impression de juste faire de la gestion. Puis, genre, puis à la job aussi. Hein. Puis là, en plus, je suis en train de faire une purge chez nous. Fait que je jette du stock, là, mais sans arrêt. Là. Ah ouais, ça petit, c'est le fun, quand même. J'ai une petite pièce là, en bas, un petit locker. Je suis pas prêt de marcher pour entrer dedans, tellement qu'il y a du stock. Fait que là, Marketplace vend du stock, mais ça, c'est de la gestion, ça, avec là, Marketplace. Ouais. Est-ce que le monde gosse Marketplace? Ah ben là, ça, c'est pas nouveau, ça. Non, mais c'est ça. Fait que si tu veux dégraisser, faut que tu vendes, faut que tu gères ça. Fait que c'est mais ouais. Si je pouvais, je le ferais, mais ouais, j'ai pas de gros week-end de gaming là, en général. Là. Ouais. Je m'en place un peu. Là. Des fois, le samedi matin, avec un café, un petit schmop. Ouais, ben moi, oui, absolument. Moi, avec, j'ai fait du petit schmopping à maison, relax. Ça dépend comment je feel. Des fois, quand je pogne le bon jeu, ah ben là, j'embarque, esti, puis je joue à tous les jours, parce que je suis fucking accroché, là, tu sais. Haïku de Robot, là, que j'avais parlé à Retro Nouveau, tu sais, comme j'ai juste starté ça, puis ça m'a tout de suite, là. Fait que là, man, j'étais comme addict, là. Je voulais vraiment jouer. Tu sais, des bons Metroidvania. Là, j'en ai comme starté une coupe dernièrement, puis j'ai pas. J'accroche à rien, tu sais. Ouais, ouais. Puis, mettons, Donut Dodo, c'est drôle, là, mais tu sais, tu joues pas longtemps, ça, là, non plus. Mais là, je joue à Arcade Paradise. Ouais. Puis, man, je capote ben raide là-dessus. Là. Bruno en avait parlé à Retro Nouveau. C'est là-dedans qu'il faut que tu bâtis ton arcade avec une buanderie. Là. Oui, ton père te chip travailler dans sa buanderie, exact. Puis, en arrière, il y a 3-4 cabinets d'arcade dans le backstore. C'est crade à mort. Puis là, tu fais du lavage, tu ramasses les déchets, tu piles d'argent. Puis avec ça, tu développes l'arcade dans le backstore. Là, je suis rendu, je vais faire mon troisième agrandissement. Oh, j'ai acheté une machine DDR. Je me suis engagé un assistant qui collecte le cash dans les arcades parce que moi, j'ai plus de temps à perdre avec ça. Man, c'est de la gestion. J'adore ça. Je suis vraiment hooked à cette affaire-là. Mais quand j'ai tout le temps un petit jeu que j'essaye, mais on a de l'air de gamer, tu sais, puis je game pas follement tout le temps non plus, là, en toute honnêteté. J'aime tout le temps avoir un projet. C'est un peu ça, moi aussi. J'ai quelque chose tout le temps pour me taper une petite game, mettons, là, puis quand j'ai du temps. C'est ça. Mais souvent, je suis comme, bon, j'ai du temps. Ah, c'est-il, faut que je fasse le podcast. Ah, j'ai telle affaire à préparer. Faut que je mette ça en ligne. Genre, ok, j'ai deux, trois affaires, puis là. Le soir, je suis rendu mort, j'ai plus d'énergie. Là. Ah, moi non plus. T'sais, fait que là, Arcade Paradise, ça marche parce que c'est juste des brassées de lavage puis c'est niaiseux. Là, t'sais, mais j'ai pas le power. Je suis dead, moi, avec le soir ces temps-ci. Je joue au baseball, là, des fois. Là, c'est très tranquille, le baseball, fait que ça va bien. Là. En jeu, tu veux ouais, dire? Ouais, j'ai MLB de show 24 ouais. Là, que je suis en train de jouer. Ouais. Ah, j'avoue, ça, c'est bon pour ça. Mais non, je joue pas. Puis moi non plus, pour vrai, je joue pas tant que ça. La collection, ben, elle est propre. Je la fais au fur et à mesure. Ouais. J'ai eu mon projet Nintendo Power dernièrement. Je vais en reparler peut-être éventuellement. Mais outre ça, je game chase pas non plus parce que j'ai pas le temps. Ouais. Mais je sais pas où aller non plus. Ouais. J'aime pas faire des friperies. J'ai pas le temps de courir et vendre de garage. Ou ça me branche. Si je pourrais prendre le temps, ça me branche pas. Moi, j'aime avoir des activités sociales. Le plus possible. Alors, c'est ce que je m'efforce de faire. Mais là, on a des rénaux à la maison puis tout. Fait que là, toutes mes fins de semaine vont sinker là-dedans. Game moins, mais tu passes ta vie dans le gaming anyway. Alors, entouré de gaming tout le temps. Ouais, ça a l'air de ça, mais tu sais, ici, on pourrait vendre des tonnes de marde. Ouais, c'est rendu là, c'est la gestion. Ça ferait aucune différence, là. Tu sais, moi, aujourd'hui, j'étais en meeting toute la journée. Ah, là, ouais. J'ai rien fait, là. Tu sais, le magasin en bas, il roule tout seul. Tu sais, puis tant mieux, puis c'est ça qu'il faut. On descend un peu, on s'assure, mais pour vrai. Mais oui, c'est un sujet que j'aime, je suis entouré de ça, c'est fantastique, mais c'est pas comme « yeah, les jeux, on découvre les jeux en travaillant », tu sais, non, c'est un autre level, là, tu sais. C'est... Ouais, puis c'est pas comme « oh, c'est samedi gaming », genre, il y a de la vie à faire aussi qui existe. Ben là, oui, l'épicerie, c'est... le ménage, les... Non, c'est ça. C'est ça. Fait que... Si on fait beaucoup de week-ends. Mais bon, c'est des ça. Des semaines que je game plus, des semaines que je game moins. Mais je game toujours. Moi aussi, j'ai un petit quelque chose. Il n'y a pas de semaine qui passe sans que je game pas, mettons. Ouais, ça, c'est sûr. T'sais. Puis quand j'ai pas de projet, ben j'en essaye. Puis là aussi, j'essaye, je déballe mes jeux Switch, puis je les essaye. Ouais. Là, quand j'accroche pas après une demi-heure, je commence à fuck off, passe au suivant. Je les essaye toutes, puis là, je veux faire un ménage là-dedans, puis tout débarrasser ce que j'aime pas. C'est le manque de temps. J'écoute même pas de série ou à peu près rien non plus de ce temps-ci. Fait que je suis off de tout. Là. La vie va trop vite en ce moment. Ah ouais, moi j'écoute bien des affaires québécoises avec ma blonde présentement. J'ai commencé le Splendeur et je sais pas quoi, et Influence. Là, le nouveau, c'est drôle. Le nouveau jeu de Marc Brunet. Ouais, avec ouais. Normal, ouais, j'ai écouté le premier épisode. Moi, tu vois, c'est très Marc Brunet. C'est très like moi. C'est dans ces eaux-là. Là. Ben d'ailleurs, Alex Neveu, prochaine question. À combien de services êtes-vous abonné, toi et JF? Streaming, gaming, musique. Spotify, la musique. Et c'est pas mal ça. T'es pas abonné à Netflix, Disney. Je le suis plus. Fais un bout de Netflix. Non, Disney non plus, je le suis plus parce que WWE Network. Ouais, ça, je l'ai pris. Faudrait que je l'ai encore là. Je l'avais pris à Rumble. Je le prends le temps de Rumble à WrestleMania parce que j'ai comme un hype là. Ouais. Mais là, mon hype a pas descendu depuis WrestleMania. Fait que je l'ai comme gardé, mais. Il est sur le side, là. Ouais. Mais sinon, j'ai rien de Netflix. Des fois, tout.tv, Netflix, un mois, quand j'ai du stock à écouter. Ouais. Mais je manque de temps. Fait que, on a fini la musique. Encore! Ouais. Nous autres aussi, Netflix, pour toujours, mais pour vrai, on est rarement, là. On y va plus, là. Le pire, c'est que je pense que je suis encore abonné, puis je l'oublie, puis je vois pas, là. Ouais, c'est ça. Mais là, la lutte s'en va sur Netflix en janvier. Fait que, hein? Ouais, ils ont arrêté le deal avec USA, puis tout ça, là. Fait qu'ils. Raw va être sur. Tout le WWE Network va être sur Netflix. T'es-tu sérieux? Ben ouais, ça fait un petit peu s'annoncer. Hein? Avec TKO pis tout. J'ai l'impression. Y a-t-il des trucs WCW, ICW sur WWE? Oui, y a des trucs. Tu peux. T'as du stock en ligne, tu peux aller voir aussi. Mais d'après moi, ils vont faire comme. Je pense que c'est Apple TV avec le soccer que t'as un forfait genre à 15$ par mois. Là, ils vont nous le charger, c'est sûr. Là. Ah. Mais okay. Tout va être sur Netflix. Fait, ok. C'est genre de voir là. Ah ben, ils n'ont pas parlé de pricing encore. D'après moi, c'est ce qui va se passer là. Parce que le poste coûte 15$ quand t'es avec Elix, mettons. Ouais. Fait qu'ils perdront pas cet argent-là, certains. Là. Ouais, non, c'est ça. Ah ben ça, c'est intéressant. J'ai bien hâte de voir streaming. Ça. Là-bas. C'est pour ça qu'ils vont se mettre, d'après moi, là, ils vont avoir un fuck qui va sortir, genre... le mot fuck va sortir à la télévision bientôt, là. Je suis pas mal sûr, là. Nice. Mais moi, c'est Netflix, mais surtout pour mes enfants. Ben, pas mon Éloi, mon plus vieux, il s'en sac. Là, il j'ai YouTube Premium que je me suis pogné, que j'ai pas arrêté. C'est quoi que ça fait, ça? Ça enlève toutes les pubs sur YouTube. Ouais. Puis ça permet sur mon téléphone de pouvoir l'avoir en petit, genre en petit thumbnail, là, le vidéo. Ah ouais, ok. Sinon, okay. Il dock l'application puis il veut pas te le laisser. Fait ouais. Je paye ça. Ah, oh, c'est intéressant. Je suis abonné à ChatGPT aussi. Parce que ouais. J'en ai besoin à la job des fois. Là. Ah ben moi aussi, mais je le paye pas par contre, j'ai pris la version gratuite. Ouais, moi je l'ai payé parce que j'en avais besoin, je voulais essayer d'aller plus professionnellement. Loin. Là. Professionnellement. Ouais, fait que c'est un ouais. Petit 20$. Là. Ah ben moi je paye pour la suite Adobe, là. Donc c'est normalement 1000$, mais là j'ai un deal avec un gars qui travaille chez Adobe, fait que ah, je ouais. Paye 200$. Là. Fait que ça c'est très bon. Netflix pour mon plus jeune. Tout.tv qu'on repunche de temps en temps, ça dépend de qu'est-ce qu'il y a. Il y a un truc qu'on veut écouter. Ah, c'est ça. Ça c'est Amazon Prime, je l'ai. Moi, je l'ai aussi, Prime, il vient avec Prime. Il vient avec Prime. Fait que ça, j'ai ça. On me partage Disney, ça, c'est très gentil. Okay. Fait que j'écoute des affaires Disney. D'ailleurs, j'ai écouté l'excellent Shogun. Asti que j'aimais ça. C'était tellement bon, ça, là. Quoi, Amazon a ramassé les parties de hockey aussi, mais il faut payer un extra 20$. Hein? C'est cher. Je pourrais-tu juste payer 20$ puis avoir le hockey? Mais je pense pas qu'au au Québec, ça va marcher. Il y a le temps des problèmes avec les droits de diffusion du Canadien. Fait que si tu pognes le NHL Network, t'as pas les games canadiens au Québec. Ce qui est vraiment stupide, là. Yash! Parce qu'il y a des droits de diffusion à RDS et TVA Sport. Fait que... Asti que ça me fait chier. Ça me fait capoter. Pouvez-vous régler ça? Ah, man, c'est... Je sais pas si ça a changé, là, mais il me semble dans le temps, c'était ça. Là. Fait que... Ouais. C'est pour ça que tu ramasses à faire de la piraterie puis à pas payer. Exactement. Puis, ouais, Spotify aussi. Spotify, je m'en passerai pas. J'écoute ça à longueur de journée avec... à la job. Là. Ouais, quotidiennement. C'est... Absolument. Et puis, gaming, moi, je paye pour rien. Ben, j'ai rien. Je viens de me rappeler que j'ai le Xbox Live. Faudrait peut-être que j'annule parce que je m'en sers pas. Nintendo Online, non. J'ai considéré. Puis, en plus, je trouve que c'est pas cher. C'est quoi, 20$ ouais, par ouais. Année? Mais... Même à ça, j'ai rien à faire là-dessus. Moi, je joue à mes jeux, puis c'est ça qui me fait plaisir. Toi, les jeux rétro sur le store, t'es tout en vrai. Ben, c'est ça. Ou ce qui pop, moi, ça m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, je l'ai. Ouais, ouais. Et puis, whatever, là, d'être en ligne pour fait les... On dit que les blackouts existent toujours, donc pareil pour MLB. Ah, c'est que c'est cave. Ah, ouais, hein. Mais d'abord, ça, c'est le problème de Helix aussi. Donnez-moi des postes à la carte, hostie, là, genre sur le web. Qu'est-ce que vous faites, là? Voyons donc, là. Ben, laisse-moi peux. Prendre RDS puis genre TVA Sport payant, pas des ligues, juste ça, genre. Je vais être abonné à des postes, tu sais, c'est comme. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai le forfait de base. Ben, j'avais le forfait sportif. Ouais, ouais. Mais là, ça n'existe plus, je pense. Mais bref, ça me coûtait 60$, tu sais, pour pouvoir écouter le hockey. Là, j'ai dit non, là, cette année, tu sais. En même temps, je trouve ça un peu plate présentement. J'aime ça écouter les séries. Ouais, moi, je là. Le paye, là, le Helix. Là. Ouais. Puis ce qui me sert le plus, non, mais c'est j'ai Helix, ouais, ouais. Mais je paye pas d'autres choses, tu sais. Ah, OK, OK. Fait que j'ai le câble de base, là. Ce qui me sert le plus de Helix, c'est la manette que tu parles dedans, puis je dis YouTube. Hey, je fais rien que ça, man. Là, c'est mon gars qui voit ses vidéos de YouTube. Ah, ouais. Ah non, moi, parler dans manette, je fais que ça, là. Est-ce que j'aime ça? Quel les Blue Jays live. Faudrait que je retrouve mon petit logiciel pour qui permettait aussi d'écouter les gains des Blue Jays, là, et... tous les sports, en fait. Là. Sportsnet, qui appartient à Rogers, est disponible sur Prime Video depuis octobre. Ça, c'est intéressant, ça. Mais tu peux pas écouter les games locales, comme là. On peut pas écouter les games des Blue Jays, parce qu'on est au Canada. OK. Mais mettons, je vais écouter Rangers Hurricanes. Ouais. Samedi soir, je pourrais écouter ça, là. Ouais, tu pourrais. OK, ben ça, tu vois. J'imagine, là. C'est très bon. On va garder un œil là-dessus. Merci, tout le monde, grand consommateur. On met ça pendant qu'on parle à l'autre. Passons à l'autre question. Benoît Landry. Une facile. Corps de poulet rôti ceinture béni, morceau de poulet frit ou aile de poulet? Dans le chat, on dit lisez des livres à la place. Ouais, c'est vrai, hein? Ah, ben, c'est lui d'abord. Ouais, c'est OK, Simon. C'est Simon Pellerin, ça. C'est vrai qu'on a beaucoup de livres à lire. Merci, Sky. On les met en arrière de GF, là. J'ai commencé à les empiler là. On a le guide de l'Espagne, mais on a aussi bâtir une. Oups, attention, on part pas avec. Le bon Bob. On a bâti une équipe gagnante, c'est ça? Oui. Mais livre que j'adore, hein, Simon, pour vrai. Je l'ai lu, je l'ai dévoré. Et il y a une section à la fin de ça sur les questions à poser en entrevue. Ah, et ouais. Puis ici, chez Retro MTL, on a pigé un peu là-dedans quand même. Il y a des affaires intéressantes un petit peu plus champ gauche qui peuvent surprendre les candidats. Donc, très, très bon livre. C'est écrit à la fin, t'as chié dans les coins. Là. Fait que, ouais, en ce qui me concerne, moi, quand je vais dans une place de poulet, je prends tout le temps du poulet rôti. Et moi puis, aussi. Je préfère les cuisses parce que j'aime mieux le brun. Je préfère la poitrine parce qu'il y en a plus. Oui, ben ça, c'est ça qui est fâchant avec mais, les cuisses. Mais, je veux dire, je vais voir des cuisses à l'épicerie, moi, les acheter, là. En rabais, mettons, là. Ah ouais, ouais, ouais. Ça, là, ça te fait du bon meal prep. Ah ouais, absolument. Moi, poulet brun, là, cuisse, ronger des os, là, c'est ma vie. Mais t'es-tu poulet frit dans la vie, toi? Ou... Ah ben, c'est sûr que j'aime beaucoup ça. Là, Mais c'est le choix, mettons, là, dans un restaurant, t'as les deux, tu vas prendre le corps ou tu vas prendre le poulet frit? Ça existe-tu, des restaurants qui ont les deux? Des fois, chez Saint-Hubert, il y a du poulet frit. Y en a-tu? Je pense qu'il y en a déjà eu. Y en a pas. Y en a pas? Je sais pas. Il me semble qu'il y a des croquettes, là, puis des doigts de poulet. Des doigts de poulet, pour vrai, c'est pour les enfants, ça, là. Tu sais, Chris, j'ai 44 ans, je vais pas prendre des croquettes, là. Tu sais, je vais manger des morceaux du poulet, là, tu sais. Mais j'aime quand même manger les croquettes. Ben oui, moi aussi, là. C'est pas désagréable, là. Mais pour vrai, je vais tout le temps prendre un choix. Je prends le choix du rôtisseur. Ouais, ouais. Je prends ta poitrine, moi. Puis je prends jamais de côte levée dans ces places-là parce que c'est ben trop cher pour la qualité. Ouais, c'est assez rare que je prenne des côtes levées. C'est pas bon, là. Puis des ailes de poulet, ben. Que c'est rendu cher un restaurant. Ah ouais, ah ouais. Partout, là, mais je pense que chez Benny, c'est genre 13$ pour 6 ailes. Je suis quand même en calice, là. Ah non, ça a pas d'allure. C'est Stan d'un Boys 3, lui, c'était moins qu'une pièce, là. Stan, ouais. Hey, dans le temps que j'étais au cégep, dans les années 2000, début 2000, il y avait un bar à Saint-Jean qui s'appelait Le Cognac. Puis le mardi, c'était 20 cents l'aile de poulet. Aïe. Puis il donnait un pichet de bière pour 8$, genre, c'était ridicule. Quand je me suis mis chaud et plein dans ces mardis-là. Là. Puis moi, j'aime assez ça, les ailes de poulet. Ah, moi aussi. Asti que j'aime manger ça. J'aime ça, c'est tellement bon. Là. Ah ouais, c'est plaisant, là, je mange tout, asti. Hein. C'est trop. Faut vraiment que je les fasse à base de Doritos, là. Ah oui, oh, oui, absolument. Je passe au charbon, là. Ah, ça me fait capoter. J'espère qu'elles sont dodues, ces ailes à 2$, ben oui. C'est quand même des bonnes ailes, mais pareil, là. Moi, j'aime bien, comme Jim dans le chat, le PFK. Je trouve ça bon, moi, du PFK, hostie. Là, tout le monde dit, oh, ça rend malade, rien qu'une fois par année, tout et tout. Mais pour vrai, Chris, c'est pas, ça donne pas tant sa place, là, comme poulet frit. Là. Puis là, c'était à la mode, le poulet frit. Là, ouais, tout le monde en fait. Jack le coq, là, puis tout ça. Là. Ouais, exact. Le petit poulet ici à Montréal, c'est fou raide, c'est vraiment bon. Mais pour vrai, à un moment donné, on avait fait ça. On avait fait un party de Super Bowl, je pense, chez des amis. Puis on avait pris du PFK et puis une autre place, là, fancy de poulet frit, qui est sûrement déjà fermée à cette heure-là. Puis que c'était cool parce qu'il faisait que ça. Puis on avait mis les deux, man. Puis Chris, le PFK, t'es meilleur. Non, PFK sorti fort. Moi, c'était à peu près une fois par année. Puis c'était tout le temps au repêchage. Quand je faisais avec Jeff Mallette, c'était notre repas du repêchage. Moi, c'était le poulet popcorn tout le temps. Ah oui, ça, c'est plaisant. Avec ça. La sauce faite dans le gras de cuisson. Là. Ouais. C'est une très bonne idée, ça. Ouais. Benjamin Gazaille. Gazaille. C'est un cool nom, ça. Ben oui. À quoi devrais-je jouer sur le Sega Genesis? La Genesis. Genesis. Bonne question. Checkez les streams à Fred, d'ailleurs, sur le hub, sur LG Muzio. Oui. Sur Twitch, il fait plein de streams avec du Genesis dedans. Exact, parce que Fred est un grand amateur de Genesis. Il a fait de la Game Gear, je pense, d'ailleurs. Là. Oui, exact. Il couvrait des jeux de Game Gear. Je l'ai vu jouer un petit peu à Jurassic Park. C'est très intéressant. Mais là, quel jeu tu devrais jouer, man? General ça dépend Chaos. Du style que t'aimes. Ouais. Tu sais, Streets of Rage, très bonne série. Shining Force, si t'aimes les RPG, moi j'ai adoré ça. En même temps, il en existe tellement d'autres. Ben ouais. Tu sais, Phantasy Star, whatever, ça c'était pas pour moi, tu sais, mais c'est très bon. Sonic, moi je suis pas fan, mais bon, qui dit Sega dit Sonic par défaut. Mickey, Castle of Illusion, c'est un platformer que j'aime beaucoup. Le jeu de McDo est un excellent platformer de Treasure. Il y a des shmups sur Genesis. Il y en a plein, tu sais. Gunstar Heroes. En fait, tu devrais regarder la Genesis Mini et la Genesis Mini... La Genesis 2 Mini. Puis la 2 était très, très... Il n'y en a pas, là. Ouais, puis la 2, il y avait des jeux beaucoup plus... Champ gauche, mais excellent, là. Puis même la Genesis Mini 1 a un line-up de 20 jeux, je pense, qui sont absolument excellents, là. Si ah ben, GF va les mettre, si mettons, on parle de la 1 ici. La 2 ici. Ça, c'est la 2. Splatterhouse 2. Ouais, la 2 ici. Okay. Mega Drive Mini 2. Night Striker, je suis pas sûr que je replace ça. Robo à l'Est, ça, c'est excellent. Ouais. Gros shmup, ça. Puyo Puyo Sun. Super Locomotive. Il y a des affaires weird aussi, là. Fantasy Zone, moi, j'aime beaucoup. Granada X, ça, c'est très bon aussi. Je l'ai jamais essayé. Ah oui, il y avait... T'es sûr? Je pense que c'est pas la bonne affaire. Non, non, non, c'est pas ça, là. Ça, c'est la Mini 1, ici. Oh, du polygone, là. 42 jeux, man. Quand... Final. Non, il n'y a pas de Tetris. C'est pas rapport. C'est tout croche. On va revenir à nous. Bon, anyway. Fait que va voir le line-up de la Genesis 1, puis dis-toi que tout ce qu'il y a là-dessus, tu devrais jouer à ça. C'est tout bon. Et puis la 2 aussi a des jeux un petit peu plus genre Rolling Thunder 2 ou même le 3, je pense. C'est pas d'en haut, là. Alex c'est sur la R ici. Là. Ça, c'est OK. Alien Soldier, Alizia Dragon, Altered Beast, bien sûr, Contra, Castlevania, qui sont très durs. Ben Contra est fucking tough, ouais. Là. Earthworm Jim. Darius, je me souvenais pas de ça. Dynamite Heady, c'est intéressant. Echo the Dolphin, bah. C'est un classique. C'est un classique. C'est pas super bon, mais c'est. Ghouls and Ghosts au Genesis, je le trouve supérieur en gameplay à celui de Super NES. Quoique celui de Super NES est absolument magnifique, mais le ralentissement tue la game et les continues pas illimitées. Et les continues limitées. Mais, mais sur la mini, tu peux reculer. Fait. Oui. Mais sinon, Ghosts and Ghosts au Genesis, moins beau, mais super fluide. Golden Axe. Ouais. Gunstar Heroes, excellent. Landstalker, c'est bon. Moucha. Moucha. Tu sais, tu veux pas payer 2000$ ou 1000$, je sais plus. Shinobi 3, Return of Ninja. Road Rash est bon, jeu de moto, là. Oui. Shinobi 3, 2. Non, Shinobi 3. Moi, j'ai adoré ça. Là, pourquoi Snow Bros? J'sais ça n'a pas rapport. Tatsujin. Ouais. Mais Sonic Spinball. Il y a comme trop de jeux. Il y a trop de jeux, là. D'après moi, ça mélange le US et. Ah ouais, ben gars, t'étais. Ah, ok, ouais, ouais, ouais, c'est ça. T'as des petites cases à cocher, là. C'est la première Faut case. On voit aussi. La première colonne. D'après moi, Snow Bros est pas là-dedans. On va retourner voir. Non, effectivement. Non, exact. Fait que descend maintenant pour la Genesis 2. En fait, là, c'est la avant-dernière colonne ici qu'il faut regarder. Afterburner 2, nice. Alien Soldier, gros jeu. Atomic Runner, gros jeu. Ça, c'est des affaires qui coûtent cher, ça, mesdames et messieurs. Là, Crusader of Senti, bien sûr, qui est rendu un prix de fou. Ça, c'est le jeu qui émite Zelda. C'est très bon. Ouais, ouais, ouais. Elemental Master, excellent shmup. Fantasy Zone, moi, j'ai toujours aimé ça. C'est un shmup aussi. Final Fight CD. Donc, il y a des jeux de Sega CD aussi. Ouais. Ça, c'est une très bonne version. Granada est Granada, là. Ouais. Hellfire, pas un shmup que je trouve si bon, mais quand même. Là, sur la version japonaise, là, il y a full de il y a full de RPG. C'est de Lunar, ouais. Ah, c'est ça. Il y a rien de tout ça. Ninja Warriors. Night Trap. Ah, le premier, par contre. Sur arcade, j'imagine, c'est pas si bon. Tu peux un Night Trap sur la Mini 2, là. C'est quand même pas pire. Oui. Night Trap. Voilà, fait que c'est une belle, belle liste. Ranger X. Restar. Rolling Thunder. Restar, Rolling Thunder sont excellents sur le Genesis. Restar, ça, c'est un genre de... Au look Sonic, mais c'est un platformer différent. C'est très bon. Fait que voilà, mon cher... Sonic Spinball. Benjamin, regarde les line-up des deux Genesis Mini. Ou achète-toi les deux Genesis Mini. Ben oui. Tu vas être en grosse voiture. Nick LaChapelle, un homme de baseball. Comment réagissez-vous au tweet du président Nintendo qui a annoncé le successeur à la Switch pour l'année fiscale en cours? Quelles sont vos attentes pour cette nouvelle console? Dur à dire, ça. T'as-tu vu le tweet? Ben, j'ai vu qu'il allait annoncer dans la prochaine année fiscale puis que dans le prochain Direct, il n'en parlerait pas. Exact. Prochain Direct qui va être bientôt, je pense. En juin ou je sais pas quoi, va servir à genre dumper tout le restant de ce qui va se passer avec la présente Switch. C'était évident qu'il allait en avoir une autre qui s'en vient. On a 9 ans de vie de la Switch, là. Ben, c'est ça qu'ils disent dans le chat, dans le tweet, puis voilà. Fait que oui. Et puis, mais là, il y aura une annonce en mars 2025. Ouais. Fait que c'est pas là qu'elle sort, c'est là qu'ils vont annoncer quelque chose. C'est ça? Ah non, en mars 2015. Fait qu'à la fin de la première prochaine année fiscale. On sait pas quand est-ce que l'année fiscale de Nintendo se termine, ouais. Mais d'après moi, ça va être le premier trimestre de 2025. Donc, après Noël prochain, ils vont annoncer ce que sera... Probablement pour Noël 2025. Exactement, ouais. Pour Noël 2025. Ça fait du sens, là. Fait que c'est à Noël, pas cette année, mais l'autre, qu'on aura une nouvelle Switch, à mon avis. Et puis, mais dans le prochain Nintendo Direct, ce juin, voilà, ils vont annoncer un line-up. Ouais, le line-up de la Switch. Donc, les jeux qui vont finir de sortir sur la Switch, là, j'imagine. Ah, ouais. J'ai hâte de voir s'ils vont faire un genre de Nintendo Select de Switch, tu sais, ou une autre nouvelle Switch, peut-être. Ouais, peut-être. OLED Mini, tu sais, je sais Switch pas quoi. Mini. Fait que tout ça est intéressant. J'espère qu'elle va être rétro-compatible sur les jeux de Switch, là, la prochaine. Il ne peut en être autrement. Il faudrait, parce qu'ils vont se tirer dans le pied. J'ai l'impression qu'il y a tellement de stock à liquider. Là. Ben, puis je veux dire, tout le monde a des Switch, là. Ça serait vraiment envoyé. Je pense qu'ils vont faire une Switch 2, le même genre de frame, de modèle, de technologie, de dock que tu peux la prendre. Portable, on va ailleurs. Là. Moi, d'après moi, je pense pas qu'on... D'après moi, peut-être... On dit ça à chaque fois, mais Nintendo nous surprenne à toutes les fois ce qu'ils font. Fait... Ouais. Mais on est-tu rendu trop loin dans le game pour qu'ils sortent de quoi de complètement off? Puis... Je sais pas. Ben, tu sais, mettons la Wii a été un énorme succès. T'sais. Puis eux se sont dit, OK, on reprend la Wii, mais qu'est-ce qu'on fait de plus? T'sais? Là, ils ont fait la Wii U. Et puis, bon, d'avoir un écran dans la manette, ça, c'était un plus. Fait que, tu sais. Quand Nintendo réussit et a du succès, ils vont pas si loin de succès, tu comprends? Fait que la GameCube a pas été un succès retentissant, on va se le dire. Fait que là, ils ont essayé autre chose, tu sais. Fait que là, cette autre chose-là a marché. Fait qu'ils ont continué un peu avec ça, puis ils ont extend cette idée. Fait que la Switch a marché à côté. Fait que d'après moi, ils vont extend cette idée-là aussi. Ils vont pas aller loin. Ils vont pas couper... Vous allez pouvoir jouer à vos jeux Switch sur la prochaine console. Ça serait envoyer chier le monde entier que ça se fasse pas. Là. Ça peut pas. D'après moi, ça peut pas. S'il vous plaît, simplifiez le online. Là. Les friend codes, là, ça suffit tout ça. Là. On va être en 2026 quand ça va sortir. Là. Enough. Là, t'sais, je veux dire, arriver en ville tout le monde là, genre pour la Switch et la 2. Là. Ah ouais. Faut que ça se fasse comme ça. Ça soit plus simple. C'est vraiment ça. Là. Mais évidemment, probablement du 4K peut-être. Là. C'est sûr qu'il va y avoir un processeur plus fort. Fait ça va être à voir. Là. Mais ça sera pas juste sera la jamais... même affaire, mais plus fort. Nintendo ne fait jamais non, ça. Non, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça se démarque de l'autre, là, c'est sûr. Là. Ouais. Ben, moi, je pense qu'ils vont continuer à supporter le média physique aussi pour une. S'il y a quelqu'un. T'sais, Nintendo sont les meilleurs dans le physique présentement. Fait que c'est pas eux autres qui vont lâcher le morceau ben en non, premier. Là. Xbox est terminé. D'ailleurs, c'est en juin, je pense, il va avoir le showcase de Xbox. Là. Fait que je pense pas qu'ils vont parler de la prochaine Xbox, là, mais Xbox est terminé. Là. C'est les premiers qui vont abandonner le support physique, ça c'est sûr et certain. PlayStation, je leur donne encore la PS6 pour en faire encore, mais après ça va être terminé. Mais la prochaine Switch, c'est sûr que ça embrasse ça. Puis dans le tweet ici, ça disait que Nintendo a annoncé la Switch en mars 2015. Mais dans le chat, Larry dit 2017. Mais moi, je pense que Nintendo fait référence à quand ils ont dit qu'ils allaient avoir la Nintendo Codename NX. Ouais, je sais pas ouais, si tu te rappelles, ouais, on niaisait c'est... avec ça à Retro Nouveau aussi. Donc la NX, Nintendo NX a été déjà annoncée. Eu une boîte de Nintendo NX qui avait explosé l'épisode à la fin. Exactement. Donc ça, c'est drôle. Mais ben moi, je souhaite que ça demeure portable parce que j'aime ce feature-là. Ouais, ouais. Et puis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus, man? C'est tellement... J'en ai tellement aucune idée, là. C'est qu'est-ce c'est... que tu peux inventer de plus? Plus de périphériques pour mettre... On n'en veut pas, tu sais. Des pas... gants, je sais pas, ouais, pour c'est jouer. Je sais pas, man. Le compatible VR, genre, c'est rendu là, c'est... Peut-être. Genre de truc de mixed reality, de réalité augmentée dans console. Je sais pas, c'est... Peut-être, man. C'est dur à dire pour vrai, là. Mais c'est très intriguant. C'est tellement intriguant. Toujours intéressant de voir ce que Nintendo vont sortir, là. Ah ouais, moi j'ai bien, bien hâte de voir ça, là. C'est très intéressant. Mais, tu sais, comme tout le monde, je souhaiterais juste une Switch performante, là. Je m'en contenterais pour encore un bout, là. Ouais, t'sais. Il aurait fait de l'argent. Tu sais, faites pas un autre 10 ans avec une Switch plus performante, mettons, arriver avec de quoi de nouveau, là. Mais, en tout cas, au moins, Nintendo, c'est excitant. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Puis, ça va être là aussi, j'ai hâte à Retro MTL. Parce qu'on va avoir, on a vécu le launch de la PS5. Ouais, mais ouais. On était en COVID, tu sais. Il n'y en avait nulle part, tu sais. C'est pas un vrai launch, là. Ouais, ouais. C'était un fail, là, tu sais, circonstanciel. Mais ça va être le fun, là. Le monde va être excité. Là, il va falloir en acheter, genre, 30. À 600$ chaque, puis on va faire 10$ par de profit par console. Non, mais ça va être dégueulasse, t'sais, pour nous, les commerçants. Mais au moins, ça va être cool, là, t'sais. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais t'sais, tu dis la PS5 physique, mon jeu de lutte et mon jeu de baseball sont physiques. Les deux, quand je les ai installés, ça fait « Hey, on va loader 85 gigs! » Je suis comme « Voyons, Chris! » Le jeu physique me sert juste à activer le download, c'est quoi ça? Oui, c'est que ça. Voyons! En tout cas, quand tu précommandes des jeux, pas de sens. Ah, c'est déjà dans ta machine, tu fais juste les unlocks, là, tu sais. Avez-vous déjà essayé le nouvel émulateur Delta venant de rouler les ROM de la N64 sur les plateformes d'Apple? Je savais pas que ça existait. C'est intéressant, ça. Ouais, Mark Straka. Je faisais référence au hockey. Ouais, ouais. Qui parle de ça dans le chat. Non, moi, ça me dit rien. Bienvenue, d'ailleurs. First time dans le chat. Alors, yes. Voilà. On salue. On n'est pas au courant. On n'est pas au courant. C'est très, très 64 heavy ce soir. Oui, hein, ben, c'est correct. Ça en prend. Je portais fièrement ce même chandail aujourd'hui, Papa Cassette. J'adore ce logo. Ah, celui que j'ai, hein, merci. C'est un beau flash, ça. Puis j'en ai d'autres pour une prochaine collection. C'est un excellent flash, en vrai, là. Oui. Puis j'ai d'autres idées comme ça de Montréal mixées avec jeux vidéo pour faire d'autres t-shirts. J'ai tout ça dans mon ordi, là, un petit brainstorm rapide. J'en ai sorti des bons, je pense. Fait que nice. On va peut-être liquider un peu la merch qui reste. Ça va faire un an bientôt, puis on va en faire. On va aller m'en chercher. Ben oui, certainement. Je suis dû. Larry, comme disait M. Ford, si on donnait au peuple ce qu'il demande, on aurait juste fait des chevaux plus vite et on n'aurait jamais fait d'automobile. C'est tellement vrai. Wow. Non, mais le peuple, man, faut pas l'écouter. Non, le peuple, c'est pas ce qu'il veut. Non, le peuple, c'est pas ce qu'il veut. Le peuple est pas intelligent. Il y a trop de monde. Quand il y a trop de monde, ça fonctionne pas, tu sais. La masse, c'est un problème, souvent. Là. Ben, je veux dire, c'est pas un... Non, mais c'est pas un problème, mais je veux dire... C'est pas là que t'as les meilleurs comportements, les meilleures idées. Quand le monde est en masse, là, c'est... Non, c'est ça. C'est là que t'as les pires idées, en fait, ou que t'as pas d'idées, là, tu sais. Fait que non, c'est pas bon. Faut pas... C'est très bon. C'est très bon, ça, Larry. Jason Gawet, de l'Empire Gawet. Adéquat. Un homme très adéquat qui dit... C'était pas le jeudi, ce show-là. Juste qu'on enregistre en 320p, pas en HD, là. Exactement. C'est la journée des... Les jeudis 320p, comme on les appelle. Cocaïne et 320p. Mais non, en fait, c'était le jeudi parce que je terminais ma saison de hockey. Alors, maintenant qu'elle est terminée, j'ai ramené ça au mercredi. Et puis, c'est mieux comme ça. J'aime bien le milieu de la semaine. Le jeudi, souvent, pas souvent, mais j'ai des choses de sortie, là, ouais, tu sais, ouais. Des choses que je peux faire. Fait que voilà, c'est pour ça. Alex Boudreau, les cassettes les plus rares... Sont les 3 screws ou les 5 screws? PS, pensez-vous réparer les manettes de la mini NES de l'arcade dans un éventuel futur? Ah, c'est drôle. Les 5 screws dans les cassettes de Nintendo sont les plus anciennes. Donc, techniquement, ça devrait être les plus rares. Ouais, ouais. Mais ça dépend. Parce que, mettons, Zelda 1 au NES, 5 screws, ça existe. La cassette en or. Mais, tu sais, ils en ont reprint, puis ouais, reprint, ouais, puis ouais. Reprint. Fait que, tu sais, la première version, Mike Tyson Punch-Out, ça vaut une fortune, tu sais, parce qu'on a reprint, puis après, ils ont fait Punch-Out, tu sais, puis ils ont étiré tout ça. Fait que, dans ces cas-là, oui, la version 5 screws est la plus rare, mais il y a d'autres jeux qui ont eu des versions 5 screws, genre une run de 5 screws. Puis après ça, ils se sont essayés comme une petite dernière wave de 3 screws. Alors, tu sais, comme un dernier souffle. Après ça, ils ont juste arrêté parce que c'était fini, tu sais. Fait que, il y a, puis je les connais pas, mais c'est sûrement répertorié, puis il va falloir que je me penche là-dessus en tant que collectionneur. Il y a des 3 screws qui sont plus rares que les 5 screws, tu sais. Fait que là, ça devient anal en tabarnak. Combien il y a de vis, ta cassette? Ah non, c'est, ben les vis, il y en a 3 ou il y en a 5. Ah ouais, mais moi, je préconise toujours 5 screws. Je suis rendu là, j'essaie d'avoir toutes les 5 screws US. Ça, c'est un niveau de plus de maladie. Mais il va falloir que je me penche parce qu'il y a des 3 screws qui sont plus rares. Ah ouais. Fait que ça, c'est une affaire, ça. Puis si on va réparer les manettes de la NES Mini à l'arcade, il fait référence à quand tu es assis au bar, il y a une télé. Ouais, au-dessus du bord. Et puis, on a une NES Mini de planqué en arrière de ça. Avec des manettes Wi-Fi. Puis, on a des manettes Bluetooth ouais. En effet. Puis, moi, j'arrête pas de dire au staff, « Oh, les affaires, qu'est-ce qui se passe? » Puis, tu sais, le monde, il joue pas, tu sais. Mais il dit, « Non, ben on n'a pas les manettes ou on a perdu le câble. » Ça va être Ellie qui fallait qu'il répare puis qu'il les a oubliés chez eux. Ça se pourrait très bien. Fait que ils sont perdus dans les limbes, ces manettes-là, man. Je sais pas du tout ce qu'ils sont, là. Mais moi, avec, j'aimerais ça être assis à mon bar puis jouer au Nintendo au bar, tu sais. C'est hot, ça pourrait, là. Il serait temps que je leur brasse la cage un peu, là, puis qu'on ramène ça parce que ça me fait chier. Ça me dérange. Mathieu Blash. Quand l'ouverture d'une deuxième boutique Retour MTL Pas pour tout de suite, pas pour tout de suite. Là, on a ouvert le temple, la grosse boutique Retro MTL. D'avoir des franchises ou de vendre des franchises ou d'avoir d'autres espaces, c'est quelque chose que je veux, que je vois sur le plus long terme. Ça m'intéresse, mais on a des affaires à développer puis à continuer d'améliorer dans notre présente façon de fonctionner avant d'envisager ouvrir d'autres boutiques. Mais moi, je le dis souvent, j'en aurai de repos que lorsqu'on sera aussi gros que GameStop ou que GameStop nous achète puis qu'on les met rétro un peu puis qu'on leur montre comment ça marche. Mais moi, je rise, c'est ce que je vise, c'est ce que je veux. Parfait, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit, Larry? Là? J'ai même parlé à Pat Country sur son stream des Late Trees Cruise et il avait aucune idée de ça. Tu vois comment est-ce qu'il y a des gens c'est qui savent anal. Pas tout. C'est très anal, ça. On va regarder ça. Les Late Trees Cruise, c'est très beau. Vous serez informé dans un épisode qui s'en vient. C'est le titre de mon prochain livre. Jesse Miron. Me semble un kiosque cartes à collectionner, hockey, Magic. Est-ce que ce serait bien dans votre magasin? Vous pensez à ça? Avez-vous pensé à ça? Ah, tombe-moi pas dans les cartes de hockey. Je vais repartir sur une folie là, si je fais ça. Là. T'es-tu dans les cartes de hockey? Non, mais je pourrais très facilement genre succomber, m'amener puis retomber dans une vibe de cartes de hockey. Là. Oui, hein? Des fois, à chaque fois que je pars genre dans un, je sais pas, un Toys R Us ou un Walmart, puis là, je vois les cartes, je suis comme, j'achète un petit paquet, mais c'est comme de la drogue, c'est quand même. Je vais repogner. Si je pogne une bonne carte, je vais faire, oh, cool, puis je vais m'en reprendre. Là. Ah ouais. J'ai eu une grosse phase de ma vie carte de hockey là, quand même. Là. Ben moi au primaire, là, j'étais beaucoup là-dedans. Primaire, secondaire, ça a été quand même très long. Là. Exact. Puis malheureusement, rien de tout ça vaut quelque chose aujourd'hui. Faut déjà sortir mon becquette. Faudrait sortir les becquettes. Est-ce que j'aime ça le mot becquette? Moi aussi. Ça me plaît mais beaucoup. Je pense qu'il est en ligne, le becquette à cette heure. Faudrait que je regarde. Là. Ah, ben il est sûrement plus papier. J'avais pensé, mon ami, de faire des épisodes estivales à la soirée du podcast que je regarde mes vieilles cartes, genre un peu comme là, avec la caméra. Là. Ben oui. Puis je les mets puis je regarde le prix. Je sais pas trop. Faudrait que je regarde ça. Là. Bernie Nichols, 2,50. La carte recrue de Daniel Brière, je l'ai. Ah, tu l'as, hein? J'ai sa carte quand il était junior. Oh! Fait que je sais pas, ça vaut peut-être 3$ maintenant. Ben, sûrement. Hey, dans le temps, ça montait 2 cents, on était tout fou comme la merde. Mais je vous recommande sur Instagram, sur TikTok, le profil de Hood. Comme Sébastien Hood. Ouais. Donc, Hood Collector, qui est parti fourrette d'un carte. Et puis, lui, il est full deep là-dedans, donc il fait des petits reveals. C'est lui qui faisait du live l'autre fois, tu m'as envoyé ça ou... Ce que je t'ai envoyé, c'est un gars qui fait du live de hockey. Ouais, ouais. Mais ce que Wood fait, il est dans les cartes. Okay. Comme il montre les cartes qu'il achète, il se met des gants, puis tout. Il est full là-dedans, là, les cartes. Il est parti dans les cartes, là, tu sais. Fait que ça, c'est insane. Et puis, il y a quelque chose avec ça aussi, en effet. Pour ce qui est des avoirs dans le magasin, par contre, non. On veut pas, comme entre guillemets, polluer notre magasin avec ça puis essayer de plaire à tout le monde. Parce que s'il y a quelque chose en affaires qu'il faut pas que tu fasses, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. Nous, on a le filon d'être des chefs de file. J'oserais même dire chefs de file dans ce qui est de la vente, du rachat et de la vente de jeux vidéo rétro et des jeux vidéo de toutes les générations. Alors ça, c'est nous, ça. Ça, c'est notre identité en tant qu'entreprise. Et puis, il faut que tout soit ça et gravite autour de ça. Là, si on se met à rentrer des pop, des cartes Pokémon, des cartes de hockey, des Pog, du liquide de vape, ben là, on... du popcorn, de je sais pas quoi. Tu sais, à cette heure, il y a des magasins, des dépanneurs de gogos asiatiques gauche. On se met à vendre ça, là, des bonbons d'Asie là, piquants aux algues portugaises. Tu sais, c'est pas un bon modèle d'affaires. Là, ouais. Faut pas que tu sois pressé de faire une pièce tout de suite pour t'éteindre après. Tu sais, faut que tu te focuses sur ton identité. Puis nous, c'est ça qu'on fait. Et puis, on fait du rachat. Et puis, on travaille présentement à comme mieux faire tout ce qu'on fait. Et puis ça, c'est le futur. Oui, on a de la merch. On a des toutous. Oh, mais c'est relié avec les jeux vidéo. Là. Oui. Ici, il n'y a pas des toutous de Captain America. Mais il y a des toutous de Mario, des toutous de Sonic, whatever. Limite, Pokémon. On se rend jusque-là parce qu'il y a quand même beaucoup de choses de Pokémon. Mais on n'ira jamais à l'extérieur de ce qui est jeux vidéo, tu sais. Quoi, qui sait, peut-être un moment donné, on va être big, on va tout faire. Mais c'est pas l'objectif premier. Parce que toutes ces affaires-là, on peut les commander demain matin. Ben, c'est ça, tu sais. Moi, demain, je peux faire un mur de pop site. C'est pas le but non plus. Là, c'est pas le but, puis c'est pas ça, puis c'est pas notre spécialité. Puis Chris, on est capable de faire notre argent et puis de progresser et puis de prendre les plus grosses parts de marché dans cette business-là en étant qui nous sommes. Puis ça, c'est super important. Fait qu'il faut pas aller avec la peau du gain. Puis Chris, si tu trouves un magasin de whatever, toi, de bijoux en or, ben vends des bijoux en or. Tu sais, commence pas à vendre des breloques, puis de, tu sais, comme fais ça ou vends des bijoux. Tu sais, comme fais quelque chose qui fit là. Tu sais, faut que ça fit, faut que tu sois, faut que ça te représente. C'est très important. Simon B80 qui dit qu'il trouve ça drôle que le staff de GameStop conseille au monde d'aller chez RetroMTL. Ben oui, c'est bien vrai parce que, en effet, ici, il y a des gens qui se pointent et disent ouais, le GameStop m'a envoyé ce site. Ah ouais. Ben souvent, parce que on n'est pas de la compétition, nous autres, au GameStop. J'avoue. Eux autres, ils vendent des jeux neufs. On en a. Mais tu sais, on leur enlève aucune part de marché au GameStop, nous autres là, mais pas du tout. Non, si quelqu'un cherche un jeu neuf chez GameStop, va le trouver là. Ben oui, exact. Le monde précommande du GameStop, on a aussi GameStop. Nous autres, on en a ici, là. Puis oui, on va avoir les jeux de Nintendo et tout ça. Puis le monde sont bien gentils, mais mettons PS5, PS4, Xbox, tu sais, on se brûle pas avec ça, on touche pas à ça. On a ben très peu parce qu'on a peur, puis ça nous fait très mal quand on réussit pas à les vendre. Mais GameStop, c'est le volume GameStop. Ouais, ouais. Mais quand les gens, ils ont des jeux à vendre, qu'est-ce que je fais? Ils prennent. Je pense que GameStop viennent d'arrêter de prendre les jeux PS4. Ah ouais, OK. Fait que ça, c'est une manne incroyable pour nous autres parce que nous autres, Chris, amène-en. On en vend. Vous avez un full set PS4. N'importe qui à la maison qui ont des tonnes de jeux de PS4 à vendre, tu sais, comme go. On en a de besoin. On en vend plein. Ça roule. Fait que voilà. Donc, oui, on remet GameStop. Ils sont super chill avec nous autres. C'est bien agréable. Larry, ouais, faut pas avoir l'air d'un marché aux puces, des nains de jardin. Faut que je check mes cartes de hockey pour eux. Ouais, check tes cartes de hockey. Je me souviens que dans mon garde-robe, j'ai deux genres de cartables avec des cartes dedans, avec des feuilles de cartes. Puis j'ai une boîte aussi qui a des cartes dedans qui sont plastifiées. Puis dans cette boîte-là, j'ai une plus petite boîte scellée avec du tape, puis c'est écrit des Alexandre Deck Files dessus. Ah, oh, wow. J'ai plein de cartes de deck, genre comme mint, là, genre dans des gros plastiques avec des vis. Ça va valoir 3 cents, ça va aller à Star. Mais il y a un documentaire qui sort, là, fait que peut-être que ça va remonter le prix de mes cartes. Ben, il est sorti, je l'ai écouté. Ouais, j'ai pas écouté encore, moi. Checkeras ça, là, c'est pas Amazon, pire. Hein? Sur Amazon, en effet. Il y en a tellement des documentaires sur Amazon. J'ai écouté celui de Grant Fuhr. Wow! C'était pas pire. C'était The Making of... Il y a un surnom, lui, là, j'ai oublié le nom, là. J'ai vu. En tout cas, The Making of Coco. Y a-tu sur Ed Belfort qui se lâche le monde avec son bâton? Je l'ai pas vu encore, mais là c'est la mode. Là. Il y en a. Ouais. Sur Amazon, il y a des documentaires sur tous les rappers, tous les joueurs de basket. Ouais, ça veut tellement coûter rien à produire. Tous les joueurs de NHL. Faire tout fait, là, c'est... Ah, ça dure une heure, puis ça roule. Il y a en fond des. Tu prends des archives, puis let's go. Là. Exact. Ah, cool. Gabriel Landry, que font les pires clients en boutique chez RetroMTL pour vous faire poigner les nerfs? Ça, c'est drôle. Rester sur place pendant une heure et demie. Puis comme accaparer la clientèle, accaparer le staff, tu sais, puis comme pas acheter, puis t'en aller à fermeture, tu sais, comme. Mais il y en a qui flânent, là, puis c'est correct, tu sais, mais même si tu flânes en magasin pendant une heure et demie, tu sais, on garde un œil sur toi quand même, là. Ouais, ouais. Tu sais, on peut pas aller dans le backstore faire le shipping parce que t'es là, puis tu pourrais voler. Fait qu'on reste quelqu'un qui te surveille du coin de l'œil. Fait que, tu sais, nous autres, les commis ici, ils font du shipping, ils font du rachat, ils font du facing, ils font 1000 affaires, là. Ils sont super occupés. Ouais, c'est pas comme chiller dans un Best Buy que tu te promènes puis tu peux perdre ton temps. Absolument, là, mettons, pas, tu sais. Fait que nous, c'est service client premier. Dès qu'il y a un client qui rentre, toutes les autres tâches tombent en deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Puis on a une liste, puis c'est détaillé pour le staff. Service client, en gros, en bold, avant tout. Ouais, ouais. Ensuite, les mardis, la deuxième chose à checker, le shipping. Parce qu'on a à rattraper du week-end, mettons. Après, remise, checker toutes les parts puis les câbles de la section test. Ça, c'est le jeudi soir parce que le week-end arrive puis le monde va avoir du rachat. Ils vont vouloir nous vendre des consoles. Ouais. Faut tester les consoles. S'il manque un câble, s'il manque une manette, vous allez être mal pris. Fait que là, le jeudi, vous faites ça. Bref, il y a toute une liste d'affaires. Fait que quand les clients niaissent en magasin, ça va super longtemps. Puis tu sais, c'est correct, là. On est là pour ça. Puis on a un beau magasin, le monde joue aux arcades. C'est ça qu'on veut. Mais il y en a qui, des fois, c'est long là pour pas grand-chose, là, tu sais. Ouais. Fait que ça peut être un peu tannant. Et puis, c'est ça, nous faire sortir 1000 affaires pour rien acheter, tu sais, ou comme, tu sais, ça, c'est un peu tannant aussi. Les clients qui demandent, ça, c'est drôle, hein. Quand on avait notre ancien magasin, personne nous demandait pour aller aux toilettes parce que c'était tout petit. Ouais. Mais là, à cette heure qu'on est gros, tout le monde veut aller aux fucking toilettes tout le temps. Ça, c'est fucké, là. Wow. C'est tellement fucké, il faut qu'on gère ça à cette heure. Les toilettes, aux clients, ben là, non, c'est pour le staff. La fin de semaine, on n'a pas le temps. Oui, c'est clair. Parce que c'est dans le backstore, là. Quand tu vas aux toilettes, tu peux monter en haut, déclencher le système d'alarme. Qui va dans les toilettes d'un magasin, c'est assez rare. Ce genre de magasin est là. Ouais, mettons, je vais au Home Depot, tu sais, je vais aux toilettes, là. Il y en a. Elle est là, tu sais. Elle est là, exactement. Nous autres, on n'offre pas la toilette, là, tu sais, comme tu viens chez nous. Pourquoi il faut que tu ailles pisser, rien que parce que c'est grand, tu sais, c'est comme c'est wow. Ça me fait capoter, ça, tu sais. C'est malade. Puis, tu sais, quand les clients pensent qu'ils sont rois, tu sais, le client, je suis désolé, là, mais le client n'est pas du tout roi, là. Ouais, non, non. Il y a des clients, c'est fou comment est-ce qu'il y a des clients qui dépensent 3 000$ puis ils baldent pas avec ça, pantoute. Puis il y a des clients, comment est-ce qu'ils dépensent, genre, 20$, là, puis ils vont gosser, là, puis tu y dois tout, là, tu sais. Genre, puis c'est lui le king, là. Ça, c'est malade, là, tu sais. C'est incroyable, ça. Puis il y a du monde en ligne, tu sais, qui c'est ça qui nous achète, là, des tonnes d'argent, là. Puis on leur ship ça dans l'Ouest canadien, là, tu sais. Et puis il leur manque, finalement, c'est une erreur de notre part. On leur a envoyé le jeu qui manquait le livret, puis tu sais. Ils baldent pas avec ça, ouais, là, tu sais. Ouais. Puis si on fait une petite erreur, par contre, du gars qui a acheté, genre, pour 30$, puis la même erreur, ah ben là, man, là, il nous écrit. Là, comme ils vont faire un étoile sur Google. C'est comme d'autres calme-toi, là. Le service à clientèle ici, là, c'est instantané, là. T'sais, on check tout, là. Les erreurs, ça arrive. Mets une étoile sur 5 si t'appelles puis tu te fais envoyer chier, là. Okay, exactement. Là. Si tu te la rends, ah, excuse, c'est une erreur, voici. Chris, pas 1 sur 5, ça, c'est une erreur. Ben oui, c'est ça. Les erreurs sont humaines, ben puis oui. On en fait, là. Puis, tu sais, on répare. Nous, on répare tout le temps, là. Tu sais, il y a une erreur, ah, pas de problème. On t'en chip un autre à nos frais. Ouais, ou ouais. On n'a pas d'autres, on te rembourse, tu sais, comme. Mais là, tu sais, allez pas tout de suite. Dans... Je veux pas dire au monde de faire ça. Mais, tu sais, comme quand on voit que c'est un problème ou que c'est notre erreur, whatever, nous autres, on borde pas avec ça. Puis, on n'obstine pas longtemps, là, tu sais. C'est ça, le service, là. Faut que ça roule, là, tu sais. Ouais. Fait que bref, c'est ça. Des fois, il y a des clients qui se pensent là, tellement comme importants. Ça, c'est bien gossant, ça. Puis il y a des clients tellement sweet, là, tu sais, mais aussi les clients nauséabonds. C'est un problème. Il y a des gros fumeurs. Ah, ouais. Le monde qui fume dans leur maison et puis qui nous vendent des jeux, tu sais. Ben, surtout maintenant qu'il y a comme presque plus de place où le monde fume, ça sent encore, ça paraît encore plus, on dirait. Ah ouais. Ça paraît à côté. Ben, il y en a qui sentent dedans le magasin puis ça laisse une odeur. Ouais. Faut mettre du Febreze là, quand ils s'en vont. Ah, tu sais qu'avant, on allait au resto puis ça fumait dans les restos. Vous voulez voir la section non-fumeurs? Ah ouais. Ah ouais. Juste à côté, il y a du monde qui fume des tops, je pense. Pas t'sais, de mur, rien. Non, juste pas de vite, pas rien. C'est là, puis là, tu sais. La boucane à la section fumeur ou pas fumeur dans un avion. Ah non, c'était une autre époque en esti. La belle vie, ça. Fait que c'est fumé ça. Fumé partout, la belle vie. Mais il y a aussi les clients, des fois, ils achètent un jeu, puis là, ils nous le ramènent. J'ai pas aimé ça. T'sais. Ben, je suis désolé, mais on peut te le racheter. Mais à 50% de la valeur, tu sais. Ouais. Nous, on n'est pas un service de location ici, tu sais. Si tu vas au Renaud Bré et t'achètes un livre, tu le lis, tu le ramènes, tu vois, j'ai pas aimé ça, je vais me faire rembourser. Ben non, ça marche pas de même, buddy. Fait que voilà, là, on fait pas ça, là, tu sais. Fait que il y en a qui ouais, mais si j'aime pas ça, ben c'est à toi, tu le gardes. C'est pas mon problème. Fait que garde, check ça, là, tu sais. Galgaton dit « On réparait des ordis, les ventilos étaient jamais bien durs quand le proprio était un fumeur. » C'est sûr. Non, ça laisse une crasse. Ça tombe tout dedans. Ouais, puis ça bloque les fans dedans. Ah non, c'est atroce. Déjà que de base, quand tu fumes pas, il y a de la boue, il y a de la poussière dans les ordis partout. Fait que quand tu fumes par-dessus, ça doit être épouvantable. Exact. Larry, bon, une question de Larry. Larry. Essayez-vous de devenir meilleur podcast de schmup au monde? Je pense qu'avec des captions japonais, c'est faisable. Il y en a pas. Fait qu'on, en tout cas, s'il y en a, je les connais pas, ces podcasts-là. J'en ai pas, mais... On est juste amateurs de schmup, fait qu'on va en parler souvent, c'est sûr. Là. Exact. Il existe un groupe Facebook dans lequel je faisais partie. Les schmuppeux du Québec. Oui, genre... Ah ouais, pour vrai? Ben oui, schmup Québec. Là, ah wow! Une affaire de même, là, okay. Tu sais. Mais j'étais définitivement pas assez actif aux joueurs de schmup. Excusez. Peut-être que j'en fais encore partie puis que je m'en rends même plus compte parce qu'il est plus actif pendant tout. Là. Les groupes Facebook, c'est plus ce que c'était non plus. Là, c'est plus tant l'affaire populaire. Là. Mais ouais. Sinon, Cédric, quoi? Toi, Jeff, vous attendez ou souhaitez quoi pour la prochaine console Nintendo? Bon, on en a parlé tantôt. Il dit « Perso, je serais heureux de revoir une machine puissante au détriment de la portabilité. » Pas moi. Bien sûr, mais ça, comme bien des gens. Les gens voudraient juste avoir un équivalent de la PS5. Ou, mais rendu là, mais Nintendo est tout le temps une génération en arrière, sa puissance. Parce que c'est pas les jeux qui demandent le plus de force, les jeux de Nintendo, normalement. Fait... Puis ils misent pas là-dessus, eux autres. Ils misent pas sa performance. À moins qu'ils ouvrent le cloud à un moment donné, puis que tu peux te connecter à jouer à, genre, à des jeux de d'autres consoles, d'autres compagnies, genre remote, pas remote, mais... Par le cloud, là, ça se pourrait à un moment donné. Là. Peut-être. Mais ils n'ont pas de besoin, ils prennent de l'argent à Nintendo. Ben oui, c'est ça. Ils s'en foutent eux autres. Là. Ils feront pas ça comme les autres. Hey, c'est quoi la prochaine console? La même affaire, mais plus fort! Ouais, le monde. Ah! C'est ça, j'ai besoin d'une PS5 absolument! Je te vends tous mes jeux rétro pour pouvoir m'acheter une PS5 qui va dévaluer à la vitesse de la lumière, tandis que mes jeux rétro prennent la valeur. Ouais, ouais. Pensez à ça, gang. Ben, pensez pas trop à ça parce qu'on veut vos jeux rétro. Ben oui. On est des fous comme ça. Jonathan Paradis, êtes-vous tanné de vous demander qu'est-ce qu'on mange pour souper? Ah! C'est un combat perpétuel. Toi, t'es tout seul là-dedans en plus, la planification des repas. Moi, ça fait des années que je travaille sur me trouver une manière de gérer ma bouffe chez nous puis que j'y arrive pas, là. Des fois, je suis comme, OK, oh. Plein de canage. Non, le plein d'affaires sous vide dans le congélateur. Non, le plein d'affaires frites. Le juste qu'on a besoin. Il n'y a jamais rien qui fonctionne, genre comme 100%. Le fait. Puis je pense que c'est bon pour improviser des recettes de genre prendre ça, puis je vais faire des petites affaires, mettons, là, me poser une sauce à spag, là, mais je suis pas un chef non plus. Fait. Des fois, est-ce que tu prends comme une recette sur Ricardo, tu dis je fais cette recette aujourd'hui. Ça arrive souvent. Une plaque. De nouilles, tu sais, une plaque affaire. Plaque de saucisses et des légumes, là, ça arrive. Des là. Ouais, c'est ça. Mais tu fais-tu des fois, mettons, un poulet cacciatore? Ouais, ça peut arriver, là. OK. Moins que mon gars, mais là, je fais des affaires plus simples qui cuisent longtemps. Un pot au feu, mettons, sur le fumoir, des affaires comme ça, oui, j'en fais, mais ça m'arrive d'en faire, là, des recettes, là. Mm-hmm. Mais moins tout seul, puis moins pour mon gars, parce qu'il s'en crisse, il veut juste manger du crab dinner, là. Exactement. Lui, c'est ça. Ces enfants-là, ils apprécient zéro. Papa, demain, je veux du crab dinner, mais tu manges ça à matin, à midi, à besoin. Tout le temps, crab dinner. Ah, je sais, man. Je sais. Spaghetti, crab dinner, croquettes, c'est le combo. Le trio des enfants, là. Ah, mais c'est facile de rentrer ça dans la bouche de tes enfants, ben oui. Tu veux, mais il faut que tu aies pratique à manger autre chose, là. T'sais, moi, je suis dans salade, là. Puis mes enfants, ils ont 15 et 10 ans, ouais, 11 ans. Ouf. Mon deuxième, j'arrête pas d'oublier sa date de fête. Son âge, il est tellement en tabarnak. Parce que c'est drôle. Mais ouais, là, je les force à manger de la salade. Mon plus vieux, il est correct, là. Mais aussi, il s'est fait une blonde. Fait que là, il va avoir 16 ans cet été. Il va chez sa blonde, puis quand il va là, bien sûr, il mange qu'il y a. Ouais. Puis eux autres, son père est haïtien. Sa mère est libanaise, je pense, ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, mais il mange surtout haïtien. Du poulet jerk. Ouais, c'est ça. Non, mais des mets. Ouais, il mange ça là-bas, puis il adore ça, bien sûr, mais il mange ce qu'il y a, tu sais. Puis s'il y a de la salade, il faut qu'il en mange. Fait que là, ça y ouvre, ça, les horizons. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est merveilleux, ça. Mon plus jeune, il n'est pas rendu là parce qu'il est dans la maison genoux, là, tu sais. Mais quand tu vis des affaires... Moi, quand je suis parti au cégep, je savais pas me faire à manger. J'avais jamais fait à manger de ma vie. Fait que je mangeais des pizzas Pillsbury, man, puis des affaires. Puis avec le temps, ben, tu manges qu'il y a, esti, puis ah, tu oui. vas chez tes amis, coloc, whatever, qu'il y a des affaires. Tu manges ça, puis tu développes tes goûts. Puis t'apprécies toutes ces affaires-là un jour ou l'autre. Mais pour ce qui est... Moi, je suis en couple, alors... C'est certainement ma blonde qui est la fille de recettes, là. Tu sais, moi, je peux fabriquer, je peux cuire des choses. Ouais, ouais. Mais je vais pas faire de recettes. J'ai pas de recettes, tu sais. Ma blonde, elle essaye tout le temps une affaire par semaine environ. Puis elle a ses classiques qui reviennent. Ouais, moi aussi. Mais tu sais, c'est sa charge mentale. Elle hait ça. Elle est comme, c'est tout le temps moi qui décide. Vous avez jamais d'idées. Hein? Puis là, je suis comme, j'ai pas plus d'idées, même si tu me cries après. Puis si je essaie de trouver des idées, ça, je sais pas, là. Puis à un moment donné, on a essayé, OK, vous allez prendre le livre de Ricardo ici, Ricardo pour enfants, là, puis vous allez me dire, vous autres, les enfants, une recette chacun que vous voulez qu'on essaye pour faire changement. Puis bien sûr, ça a duré une semaine et demie, puis tout le monde s'en foutait. Fait que bref. Mais moi, je suis pas difficile, tu sais. Non plus, là, tu sais. C'est ça, là. Moi, des pâtes tous les jours vont être corrects, là. C'est... Ben, moi, je me tannerais un peu. Moi aussi, là. Je me tannerais, là, mais genre, je pourrais varier un petit peu, mais genre, je suis capable de vivre sur pas grand recette, disons, là. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai fait ça pendant bien longtemps. Ça fait 20 ans que j'étais avec ma blonde, tu sais. Fait que, je me suis habitué à ce qu'elle lead la patente. Mais c'est ça que ça te prend. Là, j'essaie de te faire shiner. Là, tu fais des recettes et tout. Ça te prend une femme. Ça, t'as besoin de quelqu'un dans ta vie pour partager. C'est moi qui faisais avant, c'est moi qui faisais la bouffe tout le temps aussi avant, même en couple, genre 100% ou 98% c'était moi qui faisais la bouffe. Bon, ben, t'as besoin d'une femme qui aime cuisiner. Quelqu'un qui apprécie mes recettes. Là. Oui, puis vous allez avoir du plaisir ensemble là-dedans. Ouais, ouais, c'est ça que ça te prend. Je veux juste boire la bière puis faire mon fumoir dehors tranquille. Exactement, exactement. Non, c'est bon ça. Mais je suis pas un gars de légumes beaucoup, fait que c'est une habitude qu'il a fallu que je casse pour en donner à mon gars plus que ce que moi j'en mange. Là, fait que oui, quand t'as des enfants, tu te sens mal. J'haïs les concombres, lui, il adore ça, les concombres. Fait que là, moi, je suis le papa qui donne des bonhommes en concombre dans l'assiette. Là, ah, c'est cool, ça. Des petits yeux, puis un nez. Puis... Papa, sont où les dents? OK, là, je coupe des dents dans sa petite bouche. Ah, ben moi, avec, par contre, les légumes crus, mon plus vieux mangeait que des concombres. Yeah. Que ça. Puis mon plus jeune, que des poivrons. Mais là, des carottes, asti, c'est ouais. Pas amer à boire, ça, là. Guys, vous êtes capable de manger des carottes, là? Oh non! Puis là, les tomates, man, ça, c'est comme si on leur demandait de manger de la marde, là. Ils veulent rien savoir de manger des tomates. Moi, je comprends pas ça. Depuis quand que c'est poison puis dégueulasse, ça, les tomates? En tout cas, on pourrait faire un épisode complet là-dessus. Juste à la bouffe. Chialer, là, ça à la bouffe puis les enfants. Ah! Yannick April, ton hidden gem sur Super NES, Monsieur Papa Cassette. C'est bon. Oh, lequel de toutes? Opération Logic Bomb, ah, qui oui. Est à la suite de Fortified Zone. Et il y a eu un Fortified Zone 2 au Game Boy, un nom japonais seulement, dont j'ai oublié le nom. Ça a été, pour vrai, dans les dernières années, un jeu que j'ai tout le temps pensé que c'était de la merde. Même s'il n'y a pas beaucoup de bombes et pas beaucoup de logique dans le jeu. Exact, il n'y a rien de tout ça, mais c'est très c'est bon. C'est excellent, non? Fait que ça, c'est très bon, mais il n'y a plus grand-chose de hidden hein, ouais, de nos jours en passant. Arkanoid, Do It Again, qui est un Brick Breaker. C'est Arkanoid, ouais, ouais. Mais il joue en co-op. D'ailleurs, on devrait jouer à ça au prochain, oui. Oui. Après Krusty. Ouais. Et puis, faire tous les niveaux d'Arkanoid, Do It Again. Oh, ça le fait. Excellent jeu en co-op. Et puis, si t'en veux un autre qui n'est pas Eden du tout, mais qui est très populaire, Goof Troop, bien bon, sûr. Ouais, qu'on, oui. Que, voilà. Un classique. On va du plus leur faire ça là aussi. Fait que oui, voilà trois très bons une jeux. Une fois dans quelques WEG, se faire un petit Goof Troop. Ça, ben, la dernière lourd. Fois, c'est quand on l'avait fait ensemble, mais ça doit bien faire c'était... 10 ans. Ouais, ben non, mais. Ben, 8. C'était les premiers WEG à Canada. Là, exact. Dans le sous-sol, c'est la grosse télé. Je me rappelle, je suis mort. J'avais crié. Tout le monde avait fait le saut. Réveiller tout le monde. Dernière question. ça revient un peu à ce qu'on a parlé aujourd'hui. Jean-Michel Racine. Est-ce possible de parler en positif du Nintendo 64 et pourquoi c'est oui? Ben oui. Ben oui, ben on a parlé beaucoup, comme tu disais, de 64 aujourd'hui, alors voilà, c'est possible. Pas de mauvaise console, il n'y a pas de bon jeu dessus, il y a du plaisir à avoir, je pense. La manette est weird, là. Mm-hmm. Ça date, là. C'est de son époque, mais il y a quand même des très bons jeux quand même dessus, là. Ah oui, absolument, il faut apprécier ça, c'est comme la PS1, là, tu sais, c'est une autre époque, faut l'avoir ouais. Vécu. Et puis, on l'a vécu à certains degrés. Ceux qui l'ont vécu plus profondément comme vont beaucoup plus adorer ça. Puis, c'est bien tant mieux. Donc, Robotron sur les cartes. C'est bon. Ben oui. L'as-tu essayé? Je l'ai, je pense. Ah, tu l'as, hein? Il me semble que je l'ai. Ça, ben, c'est si tu l'as pas, je vais te l'acheter aussi pour Noël. Ben, je fouille le... Vu que j'ai dégraissé mon rangement, j'ai accès maintenant à mes jeux rétro qui étaient derrière un paquet de cossins. Là, ah oui. Je regarde tout ça comme du monde, là, puis... Mais il jouait avec une manette de 64 ouais. Dans chaque main. Là. Ouais, c'était quand même pas pire. Pour vrai, ce jeu-là m'avait surpris à l'époque. Il est le plus proche d'un Twin Stick là, d'arcade. Là. Ah, c'est carrément. C'est Robotron. En 3D. Ah. On a poursuivi le travail, Dom. Oui, quand même. Ben, on était d'avance sur les questions du public. C'était 8h50. En dernier segment, en même temps, j'ai voulu l'étirer. Ben oui, c'est bien correct. Là, c'est pour qu'on remplisse un 2 heures, en effet. Puis là, on a un petit 10 minutes de plus. Là, vous n'avez pas d'argent. On aurait pu. Oui, on aurait. Oui, puis argent, d'ailleurs, merci parce que les Patreons ont beaucoup gonflé depuis la nouvelle formule du podcast. Ouais. Et puis, d'un, pour payer tes gros bras. Oui. Et puis, t'es maintenant très gros bras. Et puis, ça a fait une belle différence. Alors, c'est très cool. Je vous remercie beaucoup. Et puis, s'il y en a qui veulent encourager le show, patreon.com/papacassette. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Et puis, toute contribution est grandement appréciée. Sachez-le. Et puis, il sera utile pour refaire notre beau décor, éventuellement. Exact. Éventuellement. On n'est juste pas décidé sur qu'est-ce qu'on fait, là. C'est ben, surtout ça, comment qu'on le fait. Ouais. On met-tu du vrai? On fait du print? On remplit le mur? Mais on, ouais, comme, c'est vrai qu'on sait pas exactement ce qu'on va faire. On a des on idées, a des mais on n'est pas setés encore, là. Parce que ce qui est stressant avec ça, c'est un coup que c'est fait, c'est fait. Là. C'est ça, là. On, change, on va dépenser cet argent-là une fois, puis après, on ne l'aura plus. Puis en toute honnêteté, on n'a pas, pas 1000$, là, tu sais. Fait qu'il faut faire avec pas 1000$, le décor, beau, prévoir peut-être, je sais pas, une nouvelle cam, maybe, ou autre chose, plus de Porto. Ouais, oui. Un cellier. Un cellier à Porto. Un cellier pour mettre notre bouteille. Un cellier à bacon, un cellier à Porto. Ça serait hot, je sais. Quelque chose comme ça. Une échelle de caca pinceau sur le mur. Juste la gradation, puis là, on fait pointer. Ah oui, ben on pourrait mettre l'échelle de Bristol sur le mur. Là, en très gros, question que nos vidéos se fassent couper partout parce qu'il ouais, y a de la marde dedans. Après 3 secondes. Fait que, Jeff, où est-ce qu'on peut te retrouver? Twitch.tv/YunkMedia pour mes streams. Donc, comme je disais en début de show, le repêchage 28 juin de la soirée du podcast. Yes. Autrement, je vais reprendre un jour mes streams de jeu. Je suis en manque de temps. C'est juste ça. Tout pète chez nous, fait que je m'occupe de tout ce qui pète un après l'autre. Là, mais ça s'en vient, je vais revenir. Sinon, Instagram, Jeff Kromp, X, Jeff Kromp. Mais je pose pas beaucoup là, ce temps-ci. Là. Mais je suis disponible partout, fait que si vous voulez me parler, je suis accessible. Absolument. Sinon, sur le Hub, sur Discord, je suis là aussi. Oui, le HUB sur le Discord. H-U-B, ouais. Allez voir ça, joignez-vous. C'est pour tout le monde, autant les anciens, ben la crowd de Rétro Nouveau qui ont traversé vers là. Et quiconque veut se joindre, c'est un lieu de paix et de joie où est-ce qu'on parle de choses qu'on aime, ouais, sans colère et que avec le plaisir. Il y a juste Eric qui vient mettre la marde dans la soirée du podcast. Oh là, ça va faire le raid des livres à chaque année, c'est pas drôle. Moi, je suis comme, ben c'est très drôle. Ouais, moi, j'aime ça, les livres qui se font éliminer à toutes les années. Là. C'est, ah, c'est mais Eric, c'est un franco-ontarien, puis il aime, ouais, il aime bien dire que tout se connecte. Dans le chat, Jim qui dit tabarnak, Mallette était en feu dans le dernier épisode. Ben, il a manqué la saison complète, fait qu'il y avait du rattrapage à faire, Mallette. Là, ah ouais, hein? De colère, là. Tout le monde est contre lui, fait que c'est... Pauvre Mallette. Donne pas ton moins à Motambo. Motambo. Il dit Motambo en plus. Fait que on dit dans le chat, c'est un beau mur vert pour changer le décor. Ça nous prendrait un ordi plus puissant pour rouler du green screen en permanence, mettons. Là. On serait-tu capable de faire ça? Oui, on s'égare de faire un ça. Un mur complet de green screen? Ben oui. Comment ça coûterait un ordinateur qui fait ça? Je sais pas, là. Faudrait voir lui d'un si ça se fait. Peut-être que ça se fait qu'on pourrait mettre un drap testé, là. Mais c'est ça, là. Les livres, c'est le jour de la marmotte. Ouais, c'est ça, les livres. C'est qu'on rit d'eux autres, pareil. Mais c'était pas une bonne idée de tomber dans le virtuel pour un show qui parle de jeux rétro. Ben, on met des ça affaires... Clash. On met des affaires rétro sur le mur. On pourrait afficher notre gameplay derrière nous autres. Genre, ça serait-tu assez épique, ça, man? Pour vrai, ça serait wow, on va malade, mettre dans nos idées, là. Mais, ben, non, mais je vais peinturer le mur, là, vert, puis ça va être ça. Ah ouais, faudrait juste bien l'éclairer, là, mais ça se ferait. Faudrait y penser. Alors, donnez-nous de l'argent et on le fera. C'est pas plus compliqué que ça. Et voilà. Et puis, vous pouvez suivre Papa Cassette sur Facebook, bien sûr. Place où est-ce que je suis actif et par défaut aussi Instagram, parce que je peux publier aux deux places en même temps. Et puis, le show est disponible Spotify si vous l'écoutez en audio. YouTube, bien sûr. TikTok, des extraits. On l'a pas fait pour le dernier épisode. C'est vrai que on, ça fait un bout qu'on l'a pas fait. On a manqué de temps. Je pense qu'on s'est juste pas syncé sur quoi faire. Là, mais. Ben, ça, c'est mon problème, en fait, parce que. Je réécoute pas les shows pour essayer de trouver les bons segments. Moi, j'y réécoute pour genre contrôle de qualité, là, juste l'audio que ça a de l'air. Puis des fois, j'en pogne, puis je me fais des screenshots dans mon téléphone de à tel timing, il y a quelque chose de pas pire. Ouais. Puis j'ai oublié. J'ai oublié. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, comme j'ai dit, tout est brisé chez nous. Fait que c'est... Mais oui, j'ai pas ressorti de segment, puis il faudrait que je le fasse. Mais là, on est fait. Là-dessus. Là, c'est... En fait, c'est parce que je réécoute pas le show, tu sais. Je devrais. Ben, mais si on donne un bon show, ben, c'est un très bon show et puis je devrais totalement l'écouter. mais je réécoute pas tous les shows parce que j'écoute d'autres podcasts ouais, aussi. Ça, alors ouais. Ça prend du temps, mais j'ai comme une limite de temps. Là, fait que voilà. En tout cas. Mais alors, oui, on va en refaire du TikTok. Là, oh, ça, oui, oui, oui. Ben, ça sert à publiciser le show. C'est en pas fait. Très long à faire de toute façon. Il faut juste que je prenne le temps de le faire. Voilà. Merci tout le monde qui ont été dans le chat. On très apprécié. On les remet à l'écran pour une dernière fois. On les remet à l'écran. Voilà, Jim qui était on fire ce soir. Galgator, Blastman, tout du monde cool ça. Ouais, merci le monde d'avoir été là. Je pense que la personne française du début doit être couchée depuis longtemps. Ouais, je sais pas si c'était debout, à s'élever pour ça ou c'était avant de se coucher là. Mais comment est-ce qu'apparaissent ces gens-là? C'est quand même intéressant. Ils sont, ça donne qu'ils sont sur Twitch, puis là, pouf, ils pognent. Ben, il y en a peut-être qui regardent genre, mettons, talk show français dans les keywords, puis ils voient comme, oh, papa cassette, je veux cliquer là-dessus, puis ils regardent. Puis il y en a qui browse les Elle browsait vraiment là, parce qu'elle savait pas qu'on parlait de jeux vidéo. Peut-être qu'elle browsait Québec, je sais pas trop là. Fait que ça, je sais pas. Ça, je sais pas. C'est rare que je browse Twitch en fait là. Maybe. Peut-être. En tout cas, au moins, on a appris que les pierres à feu en France, c'est aussi les pierres à feu. Ouais, au moins, on le sait maintenant. Voilà. Bon, ben merci à tous et puis à très bientôt. Bye!